Alors, Angèle Dupont, est-ce que ces tendances, elles sont visibles dans le département des Yvelines? Après, je peux parler que uniquement en rapport de nos statistiques, mais c'est certain que la recherche de logement et le rapport locatif sont les deux problématiques les plus récurrentes au sein des consultations de la DIL. C'est 30 à 40% de nos consultations sur les deux thématiques, avec du coup des probabilités d'accès, mais aussi de maintien dans le logement, puisque une fois qu'on a réussi à intégrer un logement, faut s'y maintenir, et on a de plus en plus de problématiques d'impayés expulsions, d'habitat dégradé aussi. Avec par exemple plus 14% de questions et d'appels sur l'impayé expulsion entre 2023 et 2024, ce qui montre bien qu'il y a quand même des préoccupations importantes de la part des usagers. Alors, Mehdi, comment on explique ce qui se passe aujourd'hui? Comment on en est arrivé là? Bah, il y a deux types de gros producteurs de logements. Donc, c'est d'abord les bailleurs sociaux qui, eux, ont vu quand même une partie de leurs moyens prélevés par le gouvernement ces dernières années. Et il y a une vraie stratégie du gouvernement qui ne marche pas. Mais derrière, il y a l'idée de restructurer le type ou la manière de produire du logement social en France, ça on pourra peut-être y revenir. Et puis il y a un deuxième type de production de logement qui est en fait le logement par les particuliers, soit pour que eux-mêmes habitent ces logements, soit pour que ces particuliers-là mettent en location des logements dans lesquels ils habitent pas, évidemment. Et là, on a besoin d'avoir, alors que les prix de l'immobilier sont hyper chers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour construire, eh ben, les terrains coûtent quand même très très cher, on a besoin d'avoir des taux d'intérêt qui sont pas trop élevés, parce qu'on n'achète pas, on fait pas construire avec du cash, on emprunte de l'argent, et quand on va voir son banquier et que le banquier dit que pour rembourser son prêt, il va falloir payer beaucoup plus d'intérêt qu'il y a quelques années, il y a une grande partie de ces ménages-là qui ne peut plus emprunter. Donc on a ce blocage-là, les deux grosses masses en fait où on voit qu'il y a une réduction de la production de logements, c'est les bailleurs sociaux d'une part et la production privée d'autre part. Donc là, Étienne Reich, vous voulez réagir? Non, mais moi, ce que vous dites les uns et les autres, ça m'évoque quelque chose quand même de je pense assez important, c'est-à-dire qu'on fait tous le constat d'une crise du logement dans laquelle on s'enfonce année après année. Les rapports de la Fondation pour le logement des plus défavorisés, le prouvent. On s'enfonce dans une crise du logement, mais je pense qu'on peut pas faire l'économie d'une analyse rétrospective. Pourquoi? Parce que sinon, on a le sentiment que l'aggravation de cette situation, c'est une fatalité. Or, que c'est quelque chose que sur lequel on ne peut pas avoir de prise. Et finalement, bon, ben, de manière mécanique, on va s'enfoncer vers toujours plus de crises du logement. Il faut bien garder en tête que dans le temps long de l'histoire du logement en France, et l'histoire notamment du droit au logement en France, il y a eu différents leviers, notamment des leviers politiques, législatifs, qui ont existé et qui ont permis une amélioration, une possibilité de juguler les phénomènes qui aujourd'hui participent à aggraver la crise du logement, et que tous ces mécanismes-là, eh bien, ils ont été progressivement supprimés et par l'État, par les politiques publiques. Donc moi, c'est vraiment ça. On part du constat. Ce constat, c'est celui-là. Mais ne restons pas sur cette idée de fatalité. Stéphane Dumouchy. Stéphane, je dis du mouchi. Mais Stéphane. Ah bah oui, c'est mon nom, c'est possible. oui, je suis assez d'accord avec vous, effectivement, sur les différentes politiques de logement qui démontraient à une époque une volonté politique. On peut parler de la politique des grands ensembles, on peut parler de la politique des villes nouvelles, on peut parler de la politique d'accompagnement autour des maisons individuelles ou des constructions individuelles, le 1% logement, 1% patronal, etc., etc. Tout des choses qui ont fini par disparaître. Et effectivement, aujourd'hui, on a l'impression, et je suis très d'accord avec vous, c'est qu'il manque une volonté politique global, d'ensemble, et on passe plutôt par des petites mesurettes qui ne règlent pas grand-chose, comme le décrivait tout à l'heure Mehdi. Alors Mehdi, dans les causes, tu as évoqué le taux d'emprunt, c'est ça, qui est passé de 1 à 4%, si je ne m'abuse. Il y a aussi la baisse de l'offre de logement, alors que dans le même temps, il y a une forte demande. Il y a aussi le phénomène, les gens préfèrent attendre, non, maintenant, de vendre leur logement. Est-ce que ça, c'est une conséquence aussi? En fait, il y a plusieurs blocages. C'est-à-dire que l'idée en fait des ménages, c'est que évidemment, avec les années, ils prennent de l'âge, et en fait, on n'habite jamais le même type de logement de 7 ans à 77 ans. Et donc, en fait, sur les parcours de vie, on a des blocages dans les évolutions des parcours. En général, on commence sa vie. Alors, je ne parle pas nécessairement de là où on est nous, hein, mais on va dire de manière générale, quand on quitte chez ses parents assez régulièrement, on commence par être locataire. Et déjà, on se rend compte qu'on a un blocage sur le marché de la location. Parce que il n'y a plus suffisamment de logements pour ces premiers locataires. Il y a des systèmes qui existaient qui ont été mis à l'arrêt. Peut-être un peu rapidement, peut-être maladroitement, et surtout il n'y a pas eu d'alternative. Là, je pense par exemple au Pinel. On pourrait expliquer peut-être ce que c'est très rapidement. C'est une manière en fait de financer pour des gens qui ont déjà pas mal d'argent la propriété d'un bien qui est mis en location un peu moins cher que le prix du marché. Ce type de location en fait est moins présente sur le marché et elle va disparaître. Donc ça, on a un premier blocage. Et ensuite, on a un autre blocage, qui est, comme on le disait tout à l'heure, le fait que dans les zones qu'on appelle tendues, là où il n'y a pas suffisamment de logements, ben, il n'y a pas suffisamment de production. Donc ces deux éléments-là, et ça on a dit que c'était notamment parce qu'il y avait une hausse des taux d'intérêt qui était massive. Ces deux éléments-là font que le marché, alors il n'est pas complètement bloqué, évidemment qu'il y a des gens qui déménagent et qui emménagent, mais il est beaucoup moins fluide qu'avant. Avec comme conséquence, que vous disiez, le fait qu'on est obligé en fait, d'avoir moins grand, quand on a la possibilité d'avoir quelque chose. Et quand on a la possibilité, normalement, quand tout va un peu mieux, d'avoir que assez petit, bah là, on peut ne plus rien avoir du tout. Et donc, on a des situations, en fait, qui sont terribles, de mal logement, ça, c'est ce qu'on voit le plus. Mais de manière générale, quand on ne construit pas suffisamment, comme c'est le cas en ce moment, on a des gens qui habitent, qui sont souvent en situation de surpeuplement, de logements qui peuvent être assez mal chauffés. Et donc, c'est ce qui explique un petit peu la crise. Moi, je pense quand même que le fait que les taux d'intérêt vont baisser, ça va permettre une reprise de la production de logements. Mais ça ne réglera pas les problèmes, puisque nous, on a des vrais problèmes de fond. Et finalement, on n'a pas les bons outils. Et notamment parce que les pouvoirs publics ne s'emparent pas de tous les outils qui sont à leur disposition et ne règlent pas le problème qui est le nôtre en France en matière de logement, qui n'existe pas dans d'autres pays, hein, d'ailleurs. Éric Constantin, est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, évidemment. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité. Heureusement, il y a des propositions. La Fondation, et on est plusieurs, hein, à avoir des propositions pour sortir de la crise, ou du moins, parce qu'on ne va pas sortir du jour au lendemain, d'inverser la tendance et de se dire que le bout du tunnel est peut-être là. On a eu, hein, jusqu'en les années 2016, si on parle rien que le logement social, on avait atteint des objectifs de plus de 36 000 logements agréés sur l'année. On est... Et puis depuis, ça a chuté. Donc oui, il y a des propositions. Il y a le fait que quand même, il y a eu une augmentation des coûts de la construction qui a joué. Il y a eu des restrictions budgétaires. Là, on est dans une période où on se dit, alors déjà, il faut maintenir un niveau minimum de production, mais même ce niveau minimum de production qui va être compliqué, on sait que ça ne sera pas suffisant parce qu'il y a tout le retard effectivement accumulé qu'il va falloir un moment rattraper. Et puis, ça c'est le parc social ou le parc classique. Et puis, de l'autre côté, on a vu quand même ces dernières années, on parlait du parc locatif privé avec une évaporation, une fuite, une perte conséquente des logements qui ont été détournés de leur usage pour mettre des locataires et qu'on a plutôt tourné vers la location touristique. Donc, il y a des effets dramatiques puisque on a du mal à produire, donc on produit, mais de l'autre côté, on va perdre aussi des logements, donc c'est compliqué. Donc je pense que la volonté en tout cas politique, elle doit être aussi à tous les niveaux. C'est aussi cette difficulté qu'on peut avoir. On peut avoir une politique, c'est pas le cas, on pourrait avoir une politique nationale forte, mais encore faut-il que ça suive au niveau régional et au niveau local. Donc déjà la politique nationale, on n'a pas forcément d'ambition très forte sur le sujet, mais au niveau local, vous avez des réticences fortes d'élus D'habitants aussi, faut pas se mentir, qui maintenant ne veulent plus qu'on densifie, ne veulent plus voir de construction aussi. Alors peut-être parfois à raison, parce que derrière il faut aussi penser équipement, il faut pas produire simplement du logement, il faut aussi produire des écoles, produire des structures de santé, des choses comme ça, et il faut que ça suive derrière. Donc tout ça c'est quand même compliqué si maintenant effectivement les habitants aussi s'opposent à la construction. Ce qui veut pas dire qu'on ne produit pas, on en produit un peu. Et puis il y a des communes et heureusement des élus qui sont assez volontaristes sur le sujet. Mais je pense qu'il faut aussi faire feu un peu de tout bois et aller chercher toutes les solutions possibles pour continuer à produire, parce que de toute façon on n'a pas le choix, sauf à dire à 2-3 millions de franciliens et franciliennes quitter la région parce que ça ne va pas être possible. Les habitants sont là, ils se débrouillent comme ils peuvent, et on doit effectivement répondre à cette urgence sociale et pour éviter des catastrophes, pour éviter que des enfants, aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Avoir autant d'enfants à la rue, c'est inédit sur ces dernières décennies en Île-de-France. Je vous voyais hocher la tête, Étienne Arecht. Vous voulez réagir ? Oui, c'est vrai que je partage le constat des causes très conjoncturelles de la crise du logement, d'accord, les taux d'intérêt, d'accord, la baisse de la production, mais il faut remettre quand même, je pense, en perspective ces phénomènes-là avec, encore une fois, des phénomènes sur le long terme. Les taux d'intérêt, finalement, ils ont pris un point, d'accord. Mais si on regarde 20 ans en arrière, les taux d'intérêt, ils étaient bien plus élevés. Bien plus élevés. Ils étaient parfois à deux chiffres, je veux dire. Ça a pu arriver, il y a 25 ans, c'était à deux chiffres. Donc, vous voyez, ça peut pas être le seul, ces facteurs ne peuvent pas être le seul facteur explicatif ou sur lequel on doit concentrer l'action, la réaction, pour pouvoir juguler une fois encore la crise du logement. La question foncière est une question fondamentale, l'accès au foncier est une question fondamentale, parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement au sortir de la guerre ? L'État a préempté du foncier pour construire, comme le disait monsieur, les grands ensembles notamment. Il y a une politique globale d'aménagement du territoire qui était centrée sur le logement, sur le fait de rendre accessible un logement digne, un logement décent pour une frange de la population importante. C'est ça qu'on a perdu collectivement. Bon, ça s'explique, il y a eu des lois de décentralisation, les prérogatives sont déportées plutôt sur les municipalités, et donc cette possibilité d'avoir des investissements massifs, des accès aux fonciers facilités, etc., on les a perdus progressivement. C'est ce qu'on appelle un désengagement de l'État et une libéralisation de la question du logement. Il ne faut pas perdre de vue, là j'ai vu une enquête du CRS qui a été menée par l'Ipsos. Aujourd'hui, 58% des Français considèrent que l'accès au logement est une difficulté première devant l'accès aux soins, devant l'accès à la justice, devant l'accès à la santé. Et oui, certes, il y a un problème de production, mais des logements aujourd'hui, il y en a des logements qui sont vacants, 3 millions de logements vides qui pourraient être réquisitionnés sur simple décision des maires. Il y a aussi énormément de logements sociaux qui sont en démolition ou en attente de démolition. Alors moi, j'attends avec impatience la chronique de Stéphane sur comment on valorise l'existant, parce que je pense que c'est fondamental. Il y en a tout autour ici dans la ville nouvelle, à La Verrière, le Bois de l'Étang, Trappe, le Square Camus, Plaisir, le Valibou, les musiciens, le Val-Fourré, Sartrouville, j'étais hier soir au quartier des Indes. Eh bien, il y a 4000 logements qui sont en attente de démolition, 4000 logements sociaux qui sont en attente de démolition. Ces logements-là, ils servent à loger les mal logés. Ces logements-là, c'est aujourd'hui, quand on dit pour 58% des Français, l'accès au logement est un problème. Eh bien, ces logements-là, ils sont plus précieux pour tous ces mal logés que ne le sont, même des écoles, ou parce que c'est ce qu'ils disent dans la statistique, ou des hôpitaux. Vous voyez où on en est. Et donc, on ne peut plus faire, comment dire, si 20 ans en arrière, les raisons pour lesquelles on a démoli pouvaient s'entendre, pouvait être acceptable, le désenclavement, la mixité sociale, etc. Dans la conjoncture actuelle à la fois économique, financière, la nouvelle prise de conscience environnementale et la réalité sociale, l'augmentation, comme le disait Eric tout à l'heure, du nombre de demandeurs, la déconnexion entre aujourd'hui, le déséquilibre en tout cas entre l'offre et la demande de logement social, est telle qu'on ne peut plus faire l'économie d'un moratoire sur les démolitions et d'une réquisition massive des logements vacants. Voilà. Mehdi, tu voulais réagir ? Alors, il y a un point où on est d'accord et un point où on n'est pas tout à fait d'accord. Déjà le point de désaccord, hein, parce que comme ça, ça mettra un peu de punch à l'émission. Non, et puis genre, j'ai déjà eu des discussions aussi avec des amis de la Fondation Abbé Pierre. C'est vrai que moi, je suis plutôt partisan du fait qu'il y ait quand même plus de mixité sociale dans les territoires populaires, dans les quartiers. Ça implique de la destruction et de la reconstruction. Je pense, moi, qu'il y a une vraie urgence autour du logement, mais je pense que l'État, nous sommes capables de tout faire. C'est-à-dire que nous sommes capables de produire plus et nous sommes capables aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de mixité, qu'il y ait plus de mixité dans les quartiers. Parce que nous, moi, je travaille comme vous hein, dans ces territoires-là et de temps en temps, je me dis que on vient avec nos associations pour essayer d'améliorer les situations, mais qu'on a des problèmes de fond qui font que finalement, de temps en temps, on a l'impression d'être un peu des shadocks. Après, là où on est d'accord, et je pense que ça fait partie d'ailleurs, cette question des quartiers, de la destruction-reconstruction, là où on est d'accord, c'est qu'on ne réfléchit plus à l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui est bien plus large que de se dire, tiens, on va construire dans tel endroit où il n'y a rien. Il y a pas mal, historiquement, et notamment, on pensait beaucoup à ça au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'implantations d'usines qui ont été décidées, en fait, de manière à rééquilibrer un peu le tissu industriel en France, qui allait un petit peu trop sur Paris et sa banlieue proche. Et par exemple, Peugeot à Rennes, c'est une décision politique pour dire qu'il faut développer en fait cette ville qui était bien moins importante qu'elle l'est aujourd'hui. Et moi, je crois beaucoup dans le fait qu'il y a beaucoup de territoires, d'ailleurs dans lesquels je bosse, qui sont en déprise, des gens qui partent, pas suffisamment d'usines, pas suffisamment de services publics. Et on pourrait très bien se dire qu'il y a une partie de la production qu'on a aujourd'hui en Île-de-France ou dans les très grandes métropoles qui devrait être un peu répartie un peu mieux sur le territoire et le logement suivrait. Parce qu'aujourd'hui, dans des territoires ruraux, en fait, où il y a un taux de chômage qui est important, très peu de services publics, il ne va pas y avoir de gens qui vont venir là. La question du logement, ça reste aussi, quand on regarde les zones tendues, ça reste une question qui touche certains territoires et qui n'en touche pas d'autres, en tout cas en termes de production. Après, en termes de qualité de logement, c'est autre chose. Mais la question du logement, du manque de logement, c'est vraiment dans les territoires qu'on appelle tendus, au bord de la mer et dans les métropoles. Angèle Dupont de l'ADIL 78. Je suis d'accord avec monsieur, c'est avant tout une question de message. En fait, si on veut porter un message positif, derrière, on voit que ça entraîne un élan positif, notamment en matière de logement. Et aujourd'hui, le message qu'on transmet, il est extrêmement négatif à tout point de vue. Au niveau local, pour les personnes qui essayent d'accéder au logement, nous, on tient pour le compte de la Fondation une permanence auprès des personnes qui sont sans domicile. Et le message qu'on leur renvoie aujourd'hui, c'est vous n'êtes pas prioritaire parce qu'il y a une politique sur le département qui fait que l'accès au logement social est très compliqué avec des barrages juridiques notamment qui ont été mis en place. Donc ça, c'est un premier message négatif. Ensuite, on a décidé d'une loi qui fragilise encore plus les populations avec le parcours pour les personnes qui sont en impayé expulsion, donc qui sont déjà en situation d'endettement ou d'impayé, et on va en plus les cataloguer comme des personnes qui commettent un délit, puisque désormais il y a une infraction pénale s'ils se maintiennent dans les lieux alors qu'ils sont déjà tributaires de leur situation, même si bien sûr il y a des locataires qui sont de mauvais locataires. Malgré tout, la grande majorité des gens, ça reste des gens qui sont de bonne foi, mais qui sont dans des situations délicates. Donc ça, c'est le deuxième message qu'on veut passer, qui est très très négatif à l'intention des gens. Et tout ça fait que du coup, les gens qui sont en difficulté ne se sentent aujourd'hui plus entendus dans ces situations-là. Alors, on va revenir sur justement les conséquences hein, avec les personnes qui sont en difficulté dues à tout ce qu'on vient d'évoquer. On va faire une petite pause musicale. Restez avec nous. Ronan, je te laisse la main. Eh bien écoutez, je repose une première pause avec un petit peu de rap français. On va écouter un des derniers sons de Hugo TSR qui s'appelle Mauvais endroit et on revient dans 3 minutes. Est-ce qu'on passe sera l'hiver. J'entends leur baliverne, porté par l'ivresse. J'allume un cône sur un quai de Paris Est. Normal d'être fataliste, pas besoin d'une guerre pour devenir alarmiste. Regarde l'avenir. Je crois que les SDF sont les plus à l'abri. C'est de plus en plus jeune. Je vois les petits dépistés. Devenir l'ennemi des quisdés. Charbon même si t'es pisté. Juge personne, je m'occupe de moi, j'ai pas leur dossier. En garde à vue, y'en a qui boitent, mais y'a pas de Kaiser sauzé. En cas de charbon, tu dis ok, tu peux quand même finir fauché. Des rivières de larmes quand c'est les balles qui font des ricochets. Violence de la PAC, j'essaye de temporiser. Bande de connards, je préfère voir en clochard qu'en policier. Je veux pas finir en cage, j'attends pas la fin pour me lever. Pour avancer, je me plie en quatre comme un tonkard en W. Malgré les grands tomis, moi le présent faut que j'en profite. Nostalgique, dès que j'embobine, je ressens des crampes au bide. Hey, à l'origine, je suis juste venu galerie, pas le quotidien d'une star. Moi j'ai pas le temps pour ces conneries. J'avance au coup par coup, loin de se cacher par mimétisme. Pas de la basse cour, aucune faute de parcours parmi mes disques. Je commets des délices, c'est vrai. 120 sur périph', c'est bête. À l'heure où j'écris, c'est vert. La fumée grise et verte, niveau son. Tous les MC m'ont déçu, j'ai taqué le chiffre 1 sur un cube et puis je suis monté dessus. Le monde régresse, la fin du mois d'un sans emploi. Faire du sur place, c'est devenu une fin en soi. On reste au P, c'est la base, même dans le froid. Si on me dit reste à ta place, c'est que je me suis trompé d'endroit. Le monde régresse, la fin du mois d'un sans emploi. Faire du sur place, c'est devenu une fin en soi. On reste au P, c'est la base, même dans le froid. Si on me dit reste à ta place, c'est que je me suis trompé d'endroit. Ils veulent tous être blessants, ça joue les grands, c'est déplaisant. Hein. Je représente tout le monde, mais y'a personne qui me représente bien. Je balance mes doutes et les têtes tournent en deux minutes. Moi je pète tout quand ils simulent, je les sème tous, je suis 2001. À ceux qui s'annulent, à ceux qui demandent pas d'aide, on a des pensées noires, celles qui s'allument aux heures des lampadaires. Un mental rare, besoin de souffler, des fois je pars hiberner. Je reviens dans les couloirs, je tire à l'aveugle comme un fusil de fermier. J'avance dans le noir sans boussole ni GPS. Je peux disparaître comme les plaintes dans les plus. Bureau de l'IGPN, ce soir ils tapent. Ils t'ont suivi pendant 6 mois, d'un coup t'entends pas, pas, mais c'est pas le nouvel en chinois. Le but c'est de rester en vie, personne ne veut le rôle du gentil. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer, là j'ai le moral d'un urgentiste. J'fume la lemon, j'suis bien loin des effets de mode. J'ai le regard dans les étoiles, j'rappe pour les ovnis et les morts. Ils parlent réforme, des caméras dans tous les alentours. Ils voudraient que j'vote, mais quand ils rotent, ça sent le vignoble et la langouste. Des faux débats en politique, c'est tous des lâches, des hauts débats, surtout débats. Pendant ce temps-là, ils votent des lois. Ça se replie sur soi, tu t'en sors bien si tu dis rien. Un jeune qui s'éblouit, va devient obsédé par d'où il vient. Venez pas m'aider, laissez-moi mes idées sombres. Je croyais m'élever, mais c'est le sol qui s'effondre. Le monde régresse, la fin du mois d'un sans emploi. Faire du sur place, c'est devenu une fin en soi. On reste au pays, c'est la base, même dans le froid. Si on me dit reste à ta place, c'est que je me suis trompé d'endroit. Le monde régresse, la fin du mois d'un sans emploi. Faire du sur place, c'est devenu une fin en soi. On reste au pays, c'est la base, même dans le froid. Si on me dit reste à ta place, c'est que je me suis trompé d'endroit. Vous venez d'écouter Hugo TSR avec Mauvais Endroit dans votre magazine mensuel A Posteriori sur Marmite FM 88.4. On est ensemble jusqu'à 15h pour parler de la crise du logement. En première partie d'émission avec nos invités Étienne Recht du DAL 78, Eric Constantin de la Fondation pour le logement des défavorisés, Angèle Dupont de la DIL 78, Medili Team, responsable du Trapiblog, et notre chroniqueur Stéphane Dumouchy. On a parlé des causes de la crise du logement. On va un petit peu continuer parce que j'ai reçu une question par téléphone de notre collègue qui est en haut dans les locaux. Et ça s'adresse à vous, Étienne Recht. Vous avez parlé de décentralisation et de foncier. Il demandait le lien entre les deux. En fait, c'est vrai que ça demanderait une démonstration un peu longue. Et je vais essayer d'être très synthétique. Nous, on considère quelque part que le logement devrait être une politique de protection sociale intégrée à l'État au même titre que la santé ou l'éducation. Et pourquoi on parle d'État ? Parce que ça implique des mouvements financiers, ça implique des opérations tellement importantes de pouvoir loger convenablement des populations quantitativement très importante, que seul l'État est en mesure de le faire. Et historiquement, c'est ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des acteurs historiques, certains patrons progressistes. Il y a certaines initiatives locales aussi qui ont porté leurs fruits. Mais c'est seulement quand massivement entre eux, globalement, hein, entre l'immédiate après Première Guerre mondiale jusqu'aux années 70, l'État s'est investi dans la question du logement. Massivement, et d'autant plus entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 70. Et là, c'est là qu'on a eu la construction des grands ensembles. on oublie un peu trop souvent. Ces grands ensembles, on les a regardés pendant des années avec un regard négatif de ghetto urbain, de zone de non-droit, etc. Mais on oublie que ces grands ensembles, ils ont permis de résorber des bidonvilles. Les bidonvilles de Nanterre, d'Aubervilliers, de Champigny, etc. Je veux dire. Collectivement, c'est comme s'il y avait une cécité, en tout cas un oubli. Cette mémoire, il faut la faire revivre. Parce que de la démolition aussi de ces quartiers, à l'aune du désenclavement, de la mixité, de la sécurité, etc., eh bien, les bidonvilles renaîtront et sont en train de renaître. Parce que, voilà, c'est pour ça que c'est un point. C'est OK, quantitativement, c'est pas si important. Mais symboliquement, et malgré tout, en zone tendue, c'est quand même important. La perte de ces logements de qualité à 4 euros du mètre carré, plafonné APL, ça, c'est. Et des grands logements de qualité, bien situés, pas chers, ça c'est fondamental. Donc voilà, ça c'est un point pour le dire. Et oui, la décentralisation, progressivement, les politiques d'urbanisme et d'aménagement se sont déportées sur les collectivités locales, dans un premier temps les mairies, à partir de la loi Defferre, en gros, en 1970, puis aujourd'hui également sur les EPCI. Moi je suis d'accord avec ce que disait Mehdi sur le problème d'aménagement. Bien sûr que ça c'est un problème fondamental de concevoir la ville dans son ensemble, et c'est ça que permettait aussi des politiques étatiques, parce que le préfet il connecte les territoires entre eux, il est en possibilité au niveau des transports, au niveau des écoles, etc. Une mairie, elle n'a pas cette capacité. Les EPCI un peu plus, mais l'inertie qui est faite parce que les jeux d'acteurs locaux, politiques notamment, sont tels, eh bien, on arrive à la fin de ce système de la décentralisation, je pense, de l'aménagement et de l'urbanisme. Voilà. Alors, on a évoqué rapidement la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux. Éric Constantin, est-ce que vous pensez que ça fonctionne ? Mal, mais ça fonctionne mal parce que la loi, on avait un objectif d'atteindre 25% de logements sociaux en 2025. On est en 2025 et il me semble qu'il y a quand même quelques communes, notamment dans les Yvelines, qui ne sont pas toujours à ce taux. Elle fonctionne, et par contre, elle fonctionne parce que quand on regarde la production qui est faible, mais elle a aussi lieu dans ces communes qui sont en rattrapage. Donc, à la Fondation, on est attaché naturellement à cette loi SRU. On est attaché pour qu'elle. Alors, voilà, elle va se poursuivre avec des méthodes de calcul un peu compliquées aussi à suivre. Mais il faut évidemment, sur un territoire comme l'Île-de-France, que là où les besoins sont évidents à travers notamment le fichier de demandeurs de logement. Il faut produire du logement là où il y a des demandes, et il y a des communes aujourd'hui qui vont refuser de produire du logement social. Et puis, vous avez les communes qui en ont déjà beaucoup qui vont se dire « Non, ben nous, on arrête, on va effectivement, il faut que ce soit les autres. » Donc, on a aussi ce jeu qui n'est pas très bon entre communes et qui, en fait, ceux qui en paient les pots cassés, c'est les ménages qui sont en attente. On se renvoie, en fait, le logement social est quand même aujourd'hui très mal mené hein, par différents, dans tous les discours, on stigmatise beaucoup les personnes qui sont en attente, les personnes qui sont dans les logements. Encore ce matin, je voyais effectivement une volonté de dire qu'il faut attribuer les logements sociaux à des travailleurs. Bah, oui, bah, c'est le cas aujourd'hui quand on regarde les attributions, 80% des personnes qui ont, en Ile-de-France en tout cas, 80% des personnes qui ont eu un logement social en 2023 ont un emploi, donc c'est déjà le cas. Quand on nous dit oui, mais il faut aussi attribuer aux ménages qui sont sur la commune en priorité, c'est déjà le cas. Majoritairement, à 50%, les attributions sont locales. Et donc, c'est aussi cette difficulté quand on nous dit, si on prend l'exemple, on a trop de demandeurs en Seine-Saint-Denis, il faudrait qu'ils aillent habiter dans les Hauts-de-Seine, mais c'est juste que c'est pas possible puisque les attributions ne fonctionnent pas comme ça. Elles sont au niveau local. Donc on a des discours contradictoires, on a des discours stigmatisants, et puis on nous dit aussi que maintenant pour produire du logement social, eh ben, il faut vendre une partie de son patrimoine parce que c'est la seule possibilité pour sortir du logement à bas coût qui de toute façon augmente puisqu'on perd de plus en plus, on l'a évoqué hein, avec les démolitions, on perd le logement qui n'était pas cher, qui parfois devait être démoli pour de certaines raisons, mais qui en gros effectivement était plutôt de bonne qualité et pouvait en tout cas permettre à des ménages d'avoir des logements à 4 euros le mètre carré, ce qui est pratiquement impossible dans la construction neuve. Angèle Dupont, je voulais rebondir du coup sur les propos de M. Constantin, sur le fait que tout ça, en fait, c'est un cercle. En effet, on préconise que ce soit principalement les salariés au sein du logement parce qu'il y a pérennité du loyer. Mais en fait, le logement a aussi un impact sur le fait qu'on trouve un travail, puisque du coup, plus de stabilité, plus de repos mental et psychique. Quand vous avez un travail, que vous ne dormez pas chez vous, que vous n'avez pas de chez vous, que vous dormez dans la rue, à droite, à gauche, chez les amis, que vous devez faire un jour, deux heures de route, le lendemain, une heure, vous arrivez au travail une fois, deux fois, trois fois en retard, bah, le travail, vous ne l'avez plus. Donc le logement a un impact énorme sur le fait d'avoir un travail, une vie de famille, puisque ça permet d'avoir la scolarisation pour les enfants, une place en crèche. Ça a aussi un impact du coup sur les démarches administratives, puisque vous avez une domiciliation, une adresse postale, et le titre de séjour a un impact sur le travail a un impact sur le logement a un impact sur le travail, et en fait c'est sans fin. Il faut vraiment rétablir un équilibre pour ces gens-là. Stéphane, tu voulais réagir ? Oui, alors on habite sur un territoire où il y a plusieurs exemples. Bois d'Arcy, rattrapage de logements sociaux, c'est une ville qui avait perdu, qui était arrivée à 5% de logements sociaux et qui arrive petit à petit à retrouver 20% de logements sociaux. Trappes, 80% de logements sociaux quand j'arrive en 95, 60% aujourd'hui. Après des problématiques très précises, les hôtels autour à Saint-Quentin-en-Yvelines qui se sont transformés en hôtels d'accueil pour migrants ou personnes en difficulté au niveau du logement. Alors c'est pas seulement des personnes individuelles, c'est aussi, enfin des individuels, c'est aussi des familles avec femmes, enfants, etc. Et c'est tragique parce qu'on sent qu'il y a absolument pas de réponse, en tout cas à ce niveau-là. Il y a une file d'attente pour aller dans des centres d'hébergement qui est assez considérable et qui engage à toute une solidarité locale plus ou moins construite. Et puis, il y a d'autres exemples. Alors, l'exemple pour les zones sociales, de ce que j'appelle un peu l'utopie de la mixité. On a vu ça à Trappes avec des zones de un peu disséminées au Merisier, par exemple, d'accession à la copropriété. Et on s'aperçoit vite que en termes de mixité sociale, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'on on trouve des personnes qui viennent de Trappes et qui ont trouvé que ça finalement comme moyen pour se loger en cassant leur tirelire. Et après, on peut effectivement aller dans l'histoire. Moi, j'ai en tête le parcours d'habitation de mes collègues fonctionnaires de la Poste. Bah, quand ils débarquaient de leur province, ils allaient dans un foyer. Après, ils passaient par un logement social et plus particulièrement Trappes. Et après, ils se retrouvaient plutôt en direction du 28 ou du 27 pour une maison individuelle. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on trouve encore ce parcours-là. Étienne Arèche, vous acquiescez ? Oui, tout à fait. Je suis très heureux d'entendre ce témoignage, en fait, parce que on a souvent tendance à regarder très loin, mais en fait, sur la question du logement, il y a qu'à vraiment descendre en bas de chez soi pour porter un regard particulier pour pouvoir et interroger la réalité empirique pour pouvoir vraiment se rendre compte de la situation dans laquelle on est, dans laquelle on s'enfonce. Et oui, bien sûr, 50 ans en Yvelines, c'est caractéristique. Moi, je prends l'exemple de Plaisir, ma ville. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on a commencé le DAL avec effectivement l'aide aux personnes hébergées dans les hôtels sociaux qui sont tout autour de la ville, et enfin les premières classes qui sont aujourd'hui des hôtels sociaux. 80% de chiffre d'affaires, c'est plus que ça aujourd'hui. Et on voyait toutes ces familles pour lesquelles on faisait des DALO. Le DALO, c'est un dispositif pour faire reconnaître le caractère de priorité à l'accès à un logement social dans des familles s'imaginer qu'est-ce que c'est que pour une famille d'habiter une chambre dans un hôtel social de type première classe, quoi. C'est-à-dire que t'as pas le droit de te faire à cuisiner. J'ai le souvenir d'une gamine qui s'était ébouillantée parce que la plaque était à côté du lit, en fait, hein, était quasiment sur le lit, la plaque électrique était sur le lit. Et ben sa maman ne voulait pas l'emmener à l'hôpital parce qu'elle avait peur de perdre son hébergement, de sa chambre d'hébergement à la suite de ça. Donc quand on fait un DALO à ces familles-là, le logement pour eux, ça représente énormément. Et dans le même temps qu'on faisait ces dossiers-là, eh bien dans mon quartier, au Valibou, d'accord, on prévoyait la démolition de 188 logements sociaux qu'on venait de réhabiliter, qui venaient d'être réhabilités. Voilà, donc là, on se disait simplement, c'était quelque chose qui était purement mécanique. Là, il y avait n'y avait plus lieu de réfléchir aux raisons véritables de ces démolitions. Une question de priorité humaine qui se posait. C'est ça qui a entraîné la création de la loi 78. Pourquoi on s'est mobilisé, etc. Et oui, sur Trappes et sur Vente et sur ailleurs, c'est les mêmes questions se posent de manière cruciale aujourd'hui. Exactement, de manière cruciale. Donc moi, j'entends ces arguments qui étaient des arguments tout à fait entendable dans le passé, à un moment où les matières premières n'étaient pas chères, à un moment où le taux de rotation était fort dans le parc social, à un moment où... Oui, mais on n'est plus dans le même contexte. Voilà ce que je veux dire. Donc il faut faire revenir sur le devant de la scène le caractère de priorité de l'accès au logement. Des dispositifs, des solutions, il en existe déjà. Le DALO, on en a parlé. Je sors d'une réunion chez CDC Habitat Social, un des premiers bailleurs d'Île-de-France, plus de 100 000 logements. La loi, et je sais parce qu'on a participé à la rédaction de cette loi à plusieurs étapes, la loi dit 25% des différents contingents doivent être réservés aux prioritaires DALO. Aux prioritaires DALO. Aujourd'hui, chez CDC Habitat Social, c'est moins de 10%. Chez des contingents collectivités locales au CDC Habitat Social, les collectivités collectives, c'est moins de 2%. Moins de 2%. Et on a des préfets dans les Yvelines ou ailleurs qui disent à leurs assistantes sociales, oui, il ne faut plus faire de DALO, il ne faut plus faire de DALO, il ne faut plus faire de DALO. Vous voyez où on en est ? On en est dans des contradictions qui sont majeures parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'utiliser les outils qui sont déjà à disposition, la loi DALO, la réquisition. Et quand on parle de réquisition, il ne faut pas s'imaginer qu'on va exproprier. Hein, cette idée stalinienne de l'expropriation, c'est faux. Les propriétaires qui laissent leur logement vide plus d'un an, on met des mal logés dedans, ils sont indemnisés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces solutions, elles existent déjà. Ça n'a rien d'inventer l'eau chaude. Voilà. Ça, c'est le point. Donc, je remercie beaucoup M. Dibouchi parce que oui, vous avez tout à fait raison. Localement, ici, tout de suite, ça se passe là. Ça se passe là. Et oui, ça interroge. Et moi, je suis très heureux qu'il y ait des personnes qui s'interrogent sur ça individuellement. Mehdi ? Ouais, en fait, ce qui est un peu difficile dans ce dont on parle, c'est que, en fait, comme au niveau des différents gouvernements, le logement n'est pas considéré comme un service public, comme c'est pas de la même manière que les transports en territoires ruraux, comme on se pose la question de savoir si tout le monde a le droit d'être logé. On est obligé de réfléchir en situation d'urgence. Évidemment qu'en situation d'urgence, on ne va pas laisser des enfants dans la rue et à côté de ça, détruire des HLM, même dans des quartiers très compliqués. La question qu'il faut aussi qu'on se pose, nous, c'est de savoir si on est capable de faire en sorte, collectivement, au niveau de l'État notamment, de faire en sorte que le logement, ce soit un service public. Et la réponse est oui, on peut, on a les moyens. On a parlé en fait du besoin d'avoir un État qui prend des décisions, un État central, sortir de ces logiques locales, soit au niveau d'un maire en ce qui concerne l'autorisation de construire, soit au niveau d'une interco qui en fait comme une grande ville, c'est souvent une interco, c'est tenu soit par la gauche, soit par la droite, il y a des jeux politiques, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Et donc ça, c'est l'aspect juridique, le droit, la possibilité de construire sur un territoire. On a parlé de l'aménagement du territoire qui revient un peu à la même logique, de se dire qu'il y a des territoires en France qui nécessiteraient d'avoir plus de personnes, plus de logements, plus d'emplois. Et financièrement, on a 1000 fois la capacité de financer tout ça. On a des niveaux d'épargne en France qui sont très importants, que ce soit par l'assurance vie, que ce soit par le livret A. Donc le livret A, c'est quand même fléché vers les bailleurs pour qu'ils puissent construire. On s'est rendu compte au moment du Covid que si on a des besoins de financement massifs, on arrive à les faire financer. Aujourd'hui, le problème, me semble-t-il, du logement, c'est qu'on considère que c'est une activité, alors j'aime pas ce terme libéral parce qu'en fait il est un peu passe-partout, on l'utilise pour tout et pour rien, mais en gros que c'est une activité, j'ai envie de dire, comme une boulangerie ou voilà. C'est pas ça le logement. Le logement, c'est un service public comme l'est la Poste, comme le sont plein d'autres services publics. Et donc, il faudrait qu'on utilise tous les outils à notre disposition pour construire plus, pour construire mieux, parce qu'on est tellement là en plus en train de parler d'urgence qu'on se pose même pas la question de savoir si les logements sont de bonne qualité. Parce que que ce soit sur de la reconstruction dans les QPV, donc dans les quartiers qui sont vraiment de mauvaise qualité alors que c'est du neuf, là pareil les bailleurs font pas le job, ou que ce soit dans les territoires ruraux, des maisons dans lesquelles personne n'a envie d'habiter, pourtant les gens sont obligés d'habiter, il y a un autre souci. On a cette capacité là, tout pourrait se mettre dans l'ordre ou dans le bon ordre si on considérait que c'était une obligation de résultat, le logement de qualité, et si on mobilisait tous les moyens financiers et juridiques qui sont à notre disposition. Alors, on le voit, hein, il y a des solutions et on va y venir un peu plus précisément après une seconde pause musicale. Ronan, qu'est-ce que tu as choisi ? Eh ben, j'ai choisi une nouveauté encore des artistes français, un duo qui s'appelle Ojos avec leur dernier single « Je dors tout le temps ». Faut-il que j'en sois fier ? Faut-il en faire un secret ? Moi, j'aime pas ça, les secrets. À quoi ça tient de me plaire? À quoi ça tient de me faire crier? Si on s'envoyait en l'air, qu'on se rencontrait après, je sais plus vraiment y faire. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Pas d'offre quand je dors tout le temps, sauf la nuit évidemment. Je fume et puis j'attends. Mais je sais plus ce que j'attends. C'était Ojos ou Oros, l'espagnol, avec Je dors tout le temps. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans A Posteriori sur Marmite FM, votre magazine mensuel de société. Pour ce deuxième numéro, on fait un état des lieux de la crise du logement. Et j'ai avec moi pour en parler Éric Constantin de la Fondation pour le logement des défavorisés, Angèle Dupont de la DIL 78, Étienne Recht du DAL 78, Mehdi Litim, responsable du Trapiblog, et notre chroniqueur Stéphane Dumouchy. Alors dans cette dernière partie d'A Posteriori, on va parler des perspectives pour l'avenir en matière de logement. Mais avant ça, dans sa chronique Angle Mort, Stéphane nous emmène comme chaque mois à la découverte d'une œuvre culturelle en lien avec le sujet du jour. À la périphérie des champs, au cœur des poudrières, je cherche mon logement. Bonjour, rebonjour à tous, mesdames ou messieurs, ou entre deux. La crise du logement est un sujet grave parce qu'elle peut empêcher de se trouver un chez-soi pour se faire une vie à soi. Et ce, à n'importe quel moment de son existence. Elle est aussi un problème à plusieurs entrées où il peut s'agir de démographie, de fiscalité, de finances publiques et privées, de techniques, d'architecture, de culture. Elle est aussi un vaste champ de solutions que l'on voudrait définitives, mais qui s'avèrent temporaires. À ce sujet, on peut souligner que les 5 villes nouvelles franciliennes, Évry-Courcouronne, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Sénart et Saint-Quentin-en-Yvelines, abritent 850 000 personnes et ont absorbé jusqu'à la moitié de la croissance démographique en Île-de-France entre 1975 et 1990. Depuis, elles n'en accueillent plus qu'un sixième. Ce constat m'a conduit à me pencher sur mon propre parcours d'habitation, de ma naissance à aujourd'hui. Il y est question d'un ancien immeuble de rente construit par un entrepreneur du bâtiment du 19e siècle, d'une cité-jardin voulue par un industriel paternaliste et hygiéniste, de bars d'immeubles bâtis pour accueillir les rescapés de l'Algérie française, le logement sociaux voulu par la politique des grands ensembles, d'une copropriété en ville populaire pour faire mixité sociale, et enfin d'une maison individuelle qui, à sa construction à la fin des années 1940, fut aussi un bistrot de quartier. Bilan lapidaire de ce parcours, deux habitations démolies et une construite. Traduction en langage arithmétique, moins 2 plus 1 égale moins 1. Mais demeurons positifs en constatant que la plupart de ces logements existent toujours. Et poursuivons la réflexion en se souvenant que l'année dernière à Berlin a été conçue l'exposition The Great Repair à partir de la restauration du bâtiment qui l'accueillait. Il s'agissait d'y présenter une diversité d'expériences qui font valoir la nécessité d'une société de réparation. En mars 2024, le pavillon de l'Arsenal à Paris en accueillit une version condensée. Dans un entretien donné à l'excellent site internet et revue Métropolitique, l'un des organisateurs explique « Nous avons voulu rendre visible une dimension essentielle de la vie du bâtiment que l'architecture moderne visait systématiquement à cacher, celle de sa maintenance. » L'idée de réparation, qu'elle soit architecturale, matérielle ou sociale, est de prolonger la durée de vie des choses. Pour ce faire, il faut miser sur la maintenance et le soin de l'existant. Mais notre société ne valorise guère ce travail de maintenance et de réparation, privilégiant la construction de bâtiments neufs. Et à notre interlocuteur de poursuivre. Malheureusement, de nombreuses communes restent prisonnières du paradigme de la croissance. Pour répondre à la pénurie de logements et profiter de taxes foncières, elles ne voient pas d'autre solution que d'étendre leur périmètre constructible. Et quand elles densifient, cela passe souvent par un processus de destruction de l'existence et la construction de bâtiments neufs. Face à ce problème du logement, la crise du logement, il y a sûrement urgence de changer de paradigme. C'est tout pour Angle Mort. Merci pour votre attention. Merci à toi Stéphane, elle est intéressante ta chronique. Alors Éric Constantin, justement, on l'a un peu évoqué dans ta chronique, hein, on a vu qu'il y a plein de choses qui ont été essayées. Vers quoi on doit aller maintenant? Quelles sont les solutions selon vous? Alors il y a des solutions, celles qu'on a évoquées, mais je n'irai pas plus loin parce que, en tout cas, elle est primordiale, c'est-à-dire de produire pour loger plus et mieux. On l'a évoqué, sauf que cette solution, elle n'est pas entre les mains des personnes qui sont sans solution. Enfin, si, ils pourraient toujours construire, ça s'est déjà fait, mais disons que ça a ses limites. Et donc, c'est qu'est-ce que les personnes aujourd'hui qui sont sans logement ou mal logées peuvent faire? Je pense qu'on en a, on l'a un peu évoqué, notamment à travers les permanences que tient la DIL, il y a les questions du droit. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il va falloir peut-être accélérer et faire de plus en plus valoir ses droits, droit à être logé dignement. Vous pouvez faire valoir vos droits quand on a parlé effectivement du droit au logement opposable. Vous pouvez faire valoir vos droits vis-à-vis d'un propriétaire qui ne fait pas les réparations, qui n'entretient pas le logement comme il le doit. Vous pouvez faire valoir vos droits quand vous êtes à la rue et pas hébergé, faire condamner l'État à trouver une solution d'hébergement. Si vous n'avez pas de domiciliation, vous avez des droits et vous pouvez aussi. Donc il y a une série quand même de droits aujourd'hui qui sont à la disposition des ménages. On le voit, c'est compliqué, hein, il faut être accompagné. Et donc c'est aussi, là encore, vous avez des associations, vous avez des maisons de justice, vous avez des points d'accès aux droits, vous avez la DIL qui est présent sur tout le territoire. Et donc il ne faut pas hésiter à aller vers ces associations ou ces structures qui vont vous apporter des conseils et qui peuvent aussi vous accompagner, parce qu'il faut être accompagné. On le voit, hein, sur rien qu'en matière d'expulsion locative, c'est quand même important le nombre de personnes qui, en fait, ne vont pas à l'audience ou ne sont pas représentées par un avocat. C'est plus de la moitié des gens qui ne se déplacent pas. Donc forcément, le juge, il va plutôt entendre le propriétaire et il va donner raison souvent au propriétaire. Donc il y a cette question pour les personnes aujourd'hui de faire, de ne pas hésiter. Ça peut être long, mais ça vaut le coup. Il faut y aller il faut attaquer effectivement quand c'est nécessaire, quand aujourd'hui il y a les obligations qui ne sont pas remplies par l'institution. Et puis, deuxième piste aussi hein, pour les personnes, c'est de se faire entendre. Effectivement, hein, au niveau du DAL et la mobilisation collective, ils savent très bien faire. Remettre la question du logement sur la place publique, quand on parle effectivement des démolitions, quand on parle de la politique de la ville en général, quand on parle quand même des personnes logées dans le parc social, enfin quand vous entendez certains de nos élus ou politiques parler des personnes en logement social, ça fait peur, c'est-à-dire que c'est très stigmatisant, très, très discriminant, et donc il y a aussi une question de remettre un peu, de se faire entendre en disant mais ces personnes, en fait, tout le monde est citoyen, tout le monde participe à la vie de la cité ou devrait participer de la vie de la cité. C'est pas parce qu'on est en logement social qu'on vit dans la citana. Il faut rappeler quand même que quand on est dans le logement, on paye son loyer et que c'est grâce à ces loyers que effectivement le bailleur permet de continuer son activité. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à rappeler. Aujourd'hui, on est dans une mouvance, hein, pas très saine, pas très voilà, qui sent pas très bon. Et donc je pense qu'aussi il y a une question aujourd'hui on attend fortement de nos élus, mais en attendant, je pense que les personnes peuvent agir individuellement parce qu'elles ont des droits et collectivement pour se faire entendre et pour tordre le cou à certains discours très stigmatisants. Stéphane ? Oui, alors justement, parmi les dispositifs, je me souviens il y a quelques années, quand j'étais représentant des locataires au Merisier, d'un phénomène qui a peut-être évolué, mais je ne sais pas si une législation a permis d'accompagner ce phénomène. Alors, phénomène, c'est quoi ? C'est des personnes qui se retrouvent seules dans un logement très vaste, trois chambres ou deux chambres, et qui ne trouvent pas les moyens de changer de surface. Alors, déjà parce qu'on ne leur propose pas forcément quelque chose qui leur convient, mais surtout parce que, en fait, quand elles veulent ou elles se retrouvent sur un F2, par exemple, une chambre, et un séjour, elles vont payer autant, sinon plus, qu'un F3 ou qu'un F4. Alors, Irel, il reste 3 minutes avant la fin. Peut-être que vous voulez réagir, Angèle Dupont, que ce soit au niveau du droit ou de ce que vient de dire Stéphane. Oui, alors du coup, pour reprendre plutôt les propos de M. Constantin et qui, j'espère, répondra à votre question, c'est sûr que la DIL a à cœur, c'est d'ailleurs notre mission, on est tous juristes, de faire valoir les droits, que ce soit aussi bien des locataires que les propriétaires, parce qu'on est censé être neutre. Mais on a aussi à cœur, et on le voit, on est obligé de le développer de plus en plus aujourd'hui, c'est de la pédagogie. Nous, on est présents aux audiences de par le biais d'un partenariat avec le CDAD. Donc on doit expliquer aux gens, on doit déculpabiliser, on doit décomplexifier des situations, et on doit pour ça faire de la pédagogie. Et on fait aussi de la pédagogie pour le futur. C'est-à-dire que dans le cadre d'un partenariat avec l'Office foncier solidaire, on fait de la pédagogie à la propriété pour que les propriétés qui sont en train de se construire perdurent dans le temps. On fait en sorte que les gens soient accompagnés dans la livraison du bien. On fait en sorte qu'ils soient accompagnés dans ce qui est une copropriété, qu'ils comprennent qu'ils sont acteurs de cette copropriété, qu'ils doivent la faire vivre. Donc la pédagogie aujourd'hui, outre le droit qui est essentiel, la pédagogie c'est devenu un leitmotiv de plus en plus important. Etienne Recht, Le terme sur lequel j'aimerais conclure, c'est cette idée-là, c'était celle de votre chronique, et je trouvais très intéressant de valoriser l'existant. Que ça soit l'existant en termes immobiliers ou que ça soit l'existant en termes législatifs déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà un arsenal de lois, que ça soit, comme je l'ai dit, n'importe quel maire peut prendre un arrêté de réquisition pour réquisitionner un logement vide depuis plus d'un an et y mettre une famille de mal logés. Sur les expulsions, pareil, il y a déjà des possibilités de prendre des arrêtés anti-expulsion pour empêcher des expulsions. Sur le DALO existe. Sur les logements, ils existent. Aucun HLM démoli n'était menacé d'un arrêté de péril ou de mise en sécurité, ou comme on dit aujourd'hui. Donc il faut les réhabiliter. Ça coûte 2 fois moins cher les réhabiliter plutôt que les démolir et les reconstruire. Et en plus, on réhabilite des bons logements relativement aux logements de mauvaise qualité qu'on construit aujourd'hui. Donc voilà, valoriser l'existant à tous les niveaux. Mehdi, très rapidement pour conclure. Très rapidement, dire qu'en fait, ce qui manque pour produire plus, c'est de l'argent, mais que l'argent, on l'a. L'État est puissant, l'État a des structures très puissantes comme la Caisse des dépôts, on a Action Logement, on a énormément d'épargne dans les assurances vie. Et si on a une volonté politique de réaménager le territoire et de financer tout ce qui doit être financé, en se disant que c'est un service public, une obligation de résultat et pas juste un produit comme un autre, on peut s'en sortir. Et je rappelle juste qu'à Vienne, il y a énormément de logements sociaux et les logements sociaux ne sont pas considérés comme des logements pour les pauvres. A posteriori, touche à sa fin. On remercie chaleureusement Angèle Dupont, directrice de la DIL 78, l'agence départementale de l'information sur le logement des Yvelines, Étienne Reich du DAL 78, Eric Constantin de l'agence régionale Île-de-France de la Fondation pour les logements défavorisés. Merci Mehdi, merci Stéphane, merci Ronan. A posteriori, on vous dit dans un mois. Il est 18h sur Marmite FM et tout de suite, comme chaque mercredi, c'est l'heure de votre émission consacrée à la chanson française « Le temps ne fait rien à l'affaire ». Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM. C'est reparti, comme tous les mercredis, à cette heure-ci. Le temps ne fait rien à l'affaire vous propose pendant une heure un petit tour autour de la chanson. Le temps ne fait rien à l'affaire, une émission préparée, accommodée, mitonnée, mijotée par Jean-François. Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4. En sortant de ma mère, j'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. J'ai toussé, j'ai craché, j'ai gueulé comme un âne, au secours je me noie. Personne n'a bronché, ne m'a tendu de rame, de coquille de noix. Alors tant mieux, tant pis, j'ai appris à nager, puisque c'était mon rôle. Aouch. Certains requins m'ont dit, on va pas te manger, mais travaille ton crawl. Aouch. Ce sera plus prudent. J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère, j'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. Et depuis me voilà, le bouillon sur le dos, et buvant ses camères. Aouch. Buvant ici et là, trois grandes tasses d'eau, pour un petit bol d'air. Aouch. Il y a des sirènes, quelquefois elles m'entraînent vers des fonds irisés. Aouch. Dans leurs bras je bascule, mais pareils à des bulles, s'envolent nos baisers. Aouch. De nouveau je m'enfuis. J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mer. J'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. Nageant dans un fauteuil, des poissons argentés me croisent sur ma route. Aouch. Ils me jettent un sale œil quand ils voient arriver mes cheveux sur leur soupe. Aouch. À quoi ça sert ce bain? Surveille-t-on mon style? Je me mouille, pourquoi? Aouch. Me tendra-t-on la main sur un rivage d'île en me disant, c'est toi, on t'attend des fistons. J'ai plongé dans la vie, en sortant Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Marmite FM 88.4 pour une nouvelle livraison du Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante, puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai, 188e du nom, dans laquelle nous venons, c'est le mot, de splouch, plonger, non sans, nous nous l'accorderons, un certain courage, parce que tout de même, on est en février et elle est encore un peu fraîche. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, il vaut mieux y aller d'un coup, on a fait le plus dur, et puis une fois qu'on y est, c'est vrai qu'elle est bonne. Donc, on y est, c'est fait. Mais où est-on? Dans quoi plongeâmes-nous? Dans quoi te plongea-t-on, ami auditeur du Temps ne fait rien à l'affaire, qui, sauf erreur, n'avait rien demandé à personne? Eh bien, nous sommes dans une émission que nous avons eu la rafraîchissante idée de consacrer aux onomatopées dans les chansons. Et cette chanson de Claude Nougaro nous a semblé tout indiqué pour entamer aujourd'hui la chose avec le dynamisme qui s'imposait. Splouch figurait sur le 4e album du Petit Taureau toulousain paru chez Philips en 1966 avec une musique signée Michel Legrand. Splouch est donc arrangé à la sauce nougarienne, qui, comme on le connaît, devait certainement trouver que le pauvre plouf habituel risquait surtout de faire flop. Splouch est donc une onomatopée. Une onomatopée, évidemment, tout le monde sait ce que c'est. Mais j'en vois quand même deux au dernier rang qui ont l'air effectivement de bien savoir, mais que quand même si on pouvait redire un peu, Bon, alors rappelons donc, dictionnaire Robert à l'appui, qu'une onomatopée désigne la création d'un mot, puis ce mot lui-même, suggérant ou prétendant suggérer par imitation phonétique la chose dénommée. Exemple, cocorico, achoum, glouglou, toc-toc ou pimpon. Et donc, plouf ou splouch. J'abuse, mais j'adore. Sur un sentier de vert printemps, plein de fleurs en papier, on va courir les petits enfants, on va trotter leurs pieds. Ils font le long des ruisseaux, font bonjour aux oiseaux. Ils se battent à coups de poing, tandis qu'on entend au loin, ding-dong, écoutez la cloche, enfants en galoche. Aïe donc, la cloche a fait ding-dong, ding-dong. La cloche de l'école vous appelle Nicole. Gaston, la cloche a fait ding-dong. Il faut courir pour apprendre ses leçons et devenir de belles filles, de grands garçons. Ding-dong, écoutez la cloche ou gare aux taloches. Aïe donc, la cloche a fait ding-dong. Pour sa demande, le fiancé sue dans un col cassé, en jaquette, en souliers vernis. Il a l'air abruti, il bafouille devant papa, qui ne le comprend pas. Puis il dit, j'adore Madeleine. Aussitôt, tout s'enchaîne. Ding dong, écoutez la cloche, le mariage est proche. Allons, bon, la cloche fait ding dong, ding dong. La cloche du baptême, un enfant qu'on aime. Allons, la cloche fait ding-dong. Puis le temps passe et l'on devient un homme sérieux, très sérieux. Et dans la classe, on se dit, bon, je suis pas trop vieux, non. Ding-dong, mais la vie va vite, la jeunesse vous quitte. Allons, la cloche a fait ding-dong. Un jour, on se sent rap-la-pla. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'entend plus bien d'une oreille. Et de l'autre, c'est pareil. Dans son fauteuil, on revoit ce qui fut autrefois. Premières amours, doux frissons. C'est la fin de la chanson. Écoutez la cloche. La méchante cloche, la cloche a fait ding-dong. C'est la cloche funèbre, le glas des ténèbres. La cloche a fait ding-dong. Je vous reconnais, dit Saint-Pierre, vous êtes Monsieur Durand. Voyons, qu'avez-vous fait sur la terre, la vie Durand? Dis-donc, j'écoutais les cloches. Vous n'avez rien fait de moche? Moi? Non. Entrez, mais entrez donc, les cloches font le ding-dong. Donc, un petit fox chanté par Charles Trenet est paru en 1945 à une époque où on avait envie de chanter des choses légères. Et c'est bien une caractéristique justement de ces chansons qui usent d'onomatopées que de se situer dans un registre léger, généralement fantaisiste, que la chanson de Trenet illustre parfaitement. Vous constaterez d'ailleurs que dans l'ensemble, l'écoute des titres que j'ai collectés à votre intention ne générera normalement chez vous aucune hyperactivité cérébrale, aucun surmenage intellectuel. On est à l'abri de la migraine. Mais comme à toute règle digne de ce nom, il faut des exceptions, en voici au moins une, dont le sujet justement n'est pas à proprement parler d'une excessive légèreté puisqu'il s'agit de la guerre. La chose d'ailleurs ne date pas tout à fait d'hier puisque la bataille qu'on y évoque est celle de Marignan, dont je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler la date. Alors, si effectivement le sujet n'est pas des plus frivoles, on n'est pas non plus dans la tragédie vu que Marignan, hein, c'est quand même une victoire. Donc youpi tralala puisque c'est nous qu'on a gagné, enfin... C'est notre bon roi François. Clément Jeannequin célèbre le glorieux événement quelques années plus tard dans une chanson dans le goût de l'époque, c'est-à-dire un chant polyphonique particulièrement complexe et qui justement fait la part belle aux onomatopées pour tenter de créer une espèce d'harmonique brouhaha qui puisse évoquer la susdite bataille. En voici un court extrait et même s'il n'est pas forcément aisé de comprendre chaque parole, on comprend l'intention. La guerre ou la bataille de Marignan de Clément Jeannequin par l'ensemble vocal Philippe Caillard dans un enregistrement qui, de mon souvenir, date du tout début des années 60 et qui, vous l'aurez constaté, craquette un peu. Après ce petit intermède historico-polyphonique, je vous propose de revenir, vous allez l'entendre, à des onomatopées clairement plus prosaïques. Je ne résiste pas, en effet, à vous faire entendre cette exquise manifestation du bon goût français, écrite en 1910 par les injustement oubliés Pierre Vautreau et Raoul Georges, créée et interprétée ici pour votre plus grande joie et n'en doutons pas un instant, votre élévation morale par Charlus, et dont le titre, au moins, ne prend personne en traître. Elle faisait prout-prout. Elle faisait prout-prout, chansonnette chantée par Charlus. Thank you. avait un petit piton polisson avec de jolis petits yeux ronds très fripons. En allant à son magasin chaque matin, vieux et jeunes, tout le monde assimait en voulait. C'était la coqueluche du moment, mais malheureusement en marchant, elle faisait un petit bruit, prout, prout, prout, prout, c'était ma foi très gentille, prout, prout, prout, prout, chacun des inondes de là, avec quoi donc elle fait ça, si un très nom d'un chien, c'est que ça ne sentait rien, elle faisait un petit bruit, c'était ma foi très gentille, prout, prout, prout, prout. Elle essayait des paires de gants aux clients, et quand ce petit bruit s'entendait, elle disait, c'est un fil qui part trop tendu, c'est rompu, mais pourtant à certains acheteurs, ça faisait peur, le patron fut forcé de la remercier, pour la raison que je viens de citer. Elle faisait un petit bruit, prout, prout, prout, prout, c'était ma foi très gentil, prout, prout, prout, prout, chacun disait non de là, avec quoi donc elle fait ça, ce qui vous intriguait surtout, c'est que ça ne sentait rien du tout. Elle faisait un petit bruit, était ma foi très gentil, prout, prout, prout, prout. Elle se plaça dans un restaurant, espérant qu'avec le bruit qu'on y faisait, ça passerait. En servant des pétons un soir, sans le vouloir, elle dit prout et le client fâcha, réclama. Et la petite dit pour s'excuser, que c'est mon corset qui a craqué. Elle faisait un petit bruit, prout, prout, prout, prout, c'était ma foi très gentille, prout, prout, prout, prout, chacun disait non de là, avec quoi donc elle fait ça, un parfum fut dégagé, ça leur est peut-être indiqué, elle faisait un petit bruit, c'était ma foi très gentille, prout, prout, prout, prout. Je fis la connaissance un jour de cet amour, elle me reçut dans son logement, gentiment, j'entendais l'enlaçant la nuit un petit bruit, je pensais ça ne peut pas s'échapper du sommier, je lui dis je voudrais savoir pourtant, d'où vient ce bruit que tu fais tout le temps, elle me répond ce petit bruit, prout, prout, prout, prout, que l'on trouve si gentil, prout, prout, prout, prout, ne viens pas je peux te le jurer, nous l'on pourrait supposer, j'ai un pied articulé, que j'oublie tout le temps de graisser. Mais tu vois mon gros bébé, ça ne me gêne pas pour marcher. Prout, prout, prout, prout. C'est délicieux, très frais, très jardin. Et reconnaissons-le, de belles chansons comme celle-là, on n'en entend pas souvent. Réjouissons-nous d'être sur Marmite FM 88.4. Dans le temps ne fait rien à l'affaire et dans cette émission que nous consacrons donc aujourd'hui aux chansons usant et manifestement abusant des onomatopées. Charlus, qui est mort en 1951, a d'ailleurs enregistré un assez joli paquet d'autres chansons dont les titres font saliver l'amateur. Citons « De quoi qu'on se plaint »,« Elle a perdu son gigomard »,« Bois sans soif et bec salé »,« Amène ses coups la pampan », bon ça c'est quand même un peu mystérieux, les secrets du jujitsu, ah, bise-moi, où vous n'avez qu'à ouvrir la bouche quand je vous dis qu'on salive. Bon, je vais être honnête, on n'en a pas tout à fait terminé avec ce genre de merveille. Il y a encore quelques jolies perles à savourer, mais soyons patients, n'abusons pas des bonnes choses. Voici quelque chose de beaucoup moins délirant, de plus récent également, mais de tout autant onomatopéique. Tip-tap, t'entends mes pas, est signé Michel Jonas et Alain Goldstein, et c'est Françoise Hardy qui l'interprétait sur l'album Music Soul en 1978. fait quoi cette astor si tu tip tap tip tap. T'as pas de raison tip tap tip tap. Pas taper des poings comme un type en prison tap tip tap. Pas de solution. Cric crac cric crac. Ce sont mes dents qui grincent. Lumière crac cric crac. Où est l'interrupteur, j'y verrai pas plus clair. Machine arrière. Dis-moi pourquoi les maisons, les toits, les pavés des rues, les réverbères sont toujours là, au même endroit. Pourquoi jamais l'ascenseur ne monte au ciel jusqu'à Vénus ou ailleurs? Toujours toi, tu m'attends. J'entends déjà, t'as vu qui, t'as fait quoi cette astor si tu tip tap tip tap. T'entends mes pas tip tap tip tap. T'entends mes pas tip tap tip tap. T'entends mes pas tip tap tip tap. T'entends mes pas tip tip tip tap. T'entends mes pas tip tip tip tap. Buffo di due gatti, en français le duo des chats, un classique, c'est le cas de le dire, de la chanson onomatopéique, décidément j'aime beaucoup l'adjectif, à laquelle nous consacrons donc cette livraison du temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM. Un morceau, ce duo des chats, généralement attribué à Rossini, même si la vérité est un petit peu plus complexe, et interprété ici dans l'émission Tandem par Camille et Nathalie Dessay. Restons dans le monde merveilleux de nos amis les bêtes avec la chanson suivante qui est, et cette fois je le dis avec sérieux, un petit chef-d'œuvre de poésie et d'humour fondé lui aussi sur l'emploi d'onomatopées animales, mais cette fois avec la traduction. « Chingla pangla, chingla pangla, chingla pangla baby. Chingla pangla, chingla pangla, chingla pangla baby. Il était une fois un petit garçon qui aimait se promener dans la campagne. Un bel après-midi, il allait vers les marécages où le sol pleure sur la terre et l'air est tout mouillé et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade. Juste à l'endroit où vivent les grenouilles. Eh bien, ce petit garçon s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quoi. Quelques-unes disent cri, cri, cri, cri, cri. Et les autres. Et les plus grosses faisaient. Et même quelquefois, on entend. Bientôt, il ferme les yeux pour mieux entendre et il écoute encore les grenouilles. Et il découvre qu'elles ne parlent plus le langage des grenouilles, non, elles parlent le langage des gens. Il y en avait une qui disait « Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? » Et une autre qui lui répond « Suis ici, suis ici, suis ici, suis ici, suis ici. » Et encore une autre qui demande « Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ?» Et un vieux crapaud qui lui dit « Dans la boue, dans la boue, dans la boue, dans la boue, dans la boue. » Et un très vieux grand-père qui chantait presque « Enlève-le, enlève-le. » Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et puis, le chef de la tribu, avec les yeux gros et verts, il sort de l'eau et il dit bouh. Et toutes les grenouilles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant Vous aurez bien sûr reconnu Steve Waring dans la première version de ses Grenouilles, une chanson qui a déjà plus d'un demi-siècle puisqu'elle est parue en 1970 sur le défunt et regretté label Chant du Monde, dans le tout premier album de Steve Waring qui avait emprunté, traduit et arrangé cette chanson créée par un certain Sam Hinton dont je vous avoue avoir découvert l'existence en préparant cette émission, sur un disque de chansons pour enfants intitulé « Whoever shall have some good peanuts » que je traduirai allègrement par quelque chose comme « Qui c'est-y qui va avoir des bonnes cacahuètes ?» disque lui-même sorti en 1957. Voilà, vous savez, tous des avatars batraciens de l'onomatopée. Je vous laisse tout de même écouter un petit extrait de la version originale, ce qui vous permettra d'apprécier la fidélité de l'adaptation de Steve Waring. So this little old boy sat down on a cypress knee and he started listening to the songs the frogs were singing to him. Some of them talked like this. They said, and some of them said, there was a whole lot of them talked this way. Walk it, walk it, walk it, walk it. And there was a little old green frog, and he didn't say anything at all, except. So this little old boy leaned back on his cypress knee, and he closed his eyes so he could hear better. And the first thing you know, he found out those frogs weren't talking frog talk anymore. No, sir, they were talking people talk. One of them would say, "Where are you? Where are you? Where are you?" And that green frog answered, "Here I am, here I am." And somebody else says, "Where at, where at, where at, where at?" And they told him, "In the mud, in the mud." Then a big old bullfrog. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-dang-don. Mais boum, quand votre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui relie boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a les mains tendues sur la mer. Le soleil va paraître, paraître boum. Le monde entier fait boum quand notre cœur fait boum boum. Tout avec lui dit boum boum boum. Quand votre cœur fait boum, yeah, quand votre cœur fait boum, boum, quand votre cœur fait boum. Le vent dans les bois fait ouh. La biche aux abois fait la vaisselle cassée, fric, fric, frac. Et le pied mouillé, flic, flic, flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum. Et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et quand il fait boum, qu'il se met en colère, il entraîne avec lui des ailes. Merveille, oh boum, chante Loving Bloom, oui, ce boum, quand notre cœur fait boum, boum, t'as le boum, c'est l'amour qui s'éveille, boum, boum, quand notre cœur fait boum. Si l'on veut parler des chansons qui utilisent des onomatopées, on ne peut passer à côté de ce boom de Charles Trenet, bien sûr, mais que j'ai choisi de vous faire entendre dans la version que Jacques Higelin, grand amoureux de l'œuvre du fou chantant, avait donnée au Trianon en mars 2005 au cours d'un mémorable et vraiment superbe spectacle entièrement consacré au grand Charles. Ça s'appelait Higelin enchante Trenet et il nous avait aussi tous enchantés, nous qui avions la chance d'être là. Et en parlant de chant, j'avais aussi eu celle d'être à Bourges lors du tout premier printemps en 1977, un soir où Trenet passait sous le grand chapiteau et que quelques artistes plus jeunes lui avaient rendu hommage en première partie, dont le même Jacques Higelin, qui n'aurait ce soir-là laissé sa place à personne. Bon, pour la suite, rien à voir avec Trenet, rien à voir avec Higelin. Sur Terre, y a des gens, c'est drôle, qui possèdent un tic nerveux. Y en a qui haussent les épaules ou qui clignent des yeux. Moi, je suis un phénomène, car au lieu d'un tic seulement, j'ai chaque jour de la semaine un tic différent. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Ça, ça. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. fête. Et le dimanche, c'était 20 ans, je les fais tous. Oh, même temps. Vous croyez que c'est pas terrible ce machin-là? Oh. Tenez, je vais vous expliquer l'origine de mes tics. Hein. Eh bien, le premier, par exemple, là, le. Eh bien, quand j'étais tout petit, figurez-vous, je ronflais. Et ça m'est resté, alors je fais tout le temps. Le deuxième, le. Eh bien, ça, c'est aussi quand j'étais tout petit. Et ben, ma maman, elle avait des grandes difficultés à me faire faire mon petit pipi. Alors, elle me faisait tout le temps. Le troisième, le. Oh, ça, j'avais une petite sœur, elle s'amusait à me faire peur. Elle se cachait dans les coins, puis elle me faisait. Alors, moi, je faisais. Le quatrième, le. Oh, ça, c'est une autre histoire. Alors, mon père, il avait un âne, et cet âne, il était têtu comme un mulet, il voulait pas avancer. Alors, on le tirait par la queue, il se fâchait, il faisait. Et le dernier, le. Et ben ça, j'avais un petit chat, c'est moi qui lui faisais des blagues. Je lui courais après, je lui attachais des casseroles après la queue, et il se retournait, il me faisait Et voilà. Comme il y avait une place vacante, un filon exceptionnel, pour l'avoir, je me présente chez mon colonel. Il me dit d'une voix polie, mon garçon, vous me plaisez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, j'y ai répliqué le lundi. Je fais comme ceci, le mardi, je répète sans répit, la soeur. Mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était printemps. Je les fais tous. Au même temps. Je viens faire un beau mariage avec une jeune fille très bien. Mais dès que je suis en ménage, sur elle je déteins. Et le soir quand ses caresses, ses baisers me font de l'effet. Tous les deux avec ivresse, savez-vous ce qu'on fait? Le lundi, on fait comme ceci. Le mardi, on répète sans répit. Mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Notre gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, on fait sans le vouloir. Le samedi, on fait matin et soir. Et le dimanche, c'était fin. On les fait tous au même temps. Métique par Gaston Ouvrard, qui fut un glorieux représentant du un micropoil vieilli style comique troupier, inventé à la fin du 19e siècle par son père Éloi. Ouvrard fils, donc, qui signe cette œuvre délicate et bucolique, avec rien moins que Vincent Scotto et Géo Cogère, auteurs de tant de chansons ensemble, comme J'ai deux amours, comme Prosper, Marinella. Voilà, et donc dans cette chanson, question onomatopée, là au moins, on est servi. Et servi, chers auditeurs de Marmite FM et du temps ne fait rien à l'affaire, vous allez l'être plus que vous n'avez osé le rêver avec la jolie petite chose qui suit. Alors pendant que je m'étends dans cet innocent bavardage, vous avez juste le temps de trouver de quoi écrire, vous allez voir, ça ne sera pas inutile. Il y a un moment, en effet, que je ne vous avais pas concocté un petit montage. Alors en voici un. 23 chansons à reconnaître, utilisant toutes bien sûr des onomatopées, 23 titres et leurs interprètes, non sans une certaine variété de style et d'époque malgré tout, et vous allez l'entendre, il y a des extraits très courts, d'autres nettement plus longs, et c'est pas toujours facile parce que ça se bouscule un peu quand même. Ça y est, vous êtes équipés? Alors, j'ai parlé d'onomatopée, c'est d'ailleurs le seul terme que nous avons utilisé depuis le début de cette émission. Mais dans ce montage, on entend aussi des choses qui relèvent davantage de l'interjection. Alors, théoriquement, on ne devrait pas mêler les torchons et les serviettes, ni les onomatopées et les interjections. Les interjections forment en effet une classe grammaticale à part entière, ce que n'est pas l'onomatopée, qui peut être aussi bien un nom commun, comme ronron, un verbe, comme ronronner, ou un adjectif qualificatif, comme ronronnant. L'interjection n'est rien de tout cela, elle est une interjection, hein, c'est-à-dire un mot traduisant une attitude affective du sujet parlant. Par exemple, j'ai intitulé cette émission « Crac boum u ». Eh bien, en toute rigueur, « crac et boum » sont bien des onomatopées, mais « u » plutôt une interjection. Cela dit, le dictionnaire Robert lui-même, dans la définition de la plupart des onomatopées, c'est le cas par exemple de « u », les classe parmi les interjections, tout en indiquant qu'il s'agit d'onomatopées. C'est pas très clair tout ça, pas clair. Alors tout le monde a son papier et son crayon, ou tout au moins ses oreilles et toute son attention. Alors mêlant donc onomatopées pur sucre et interjections diverses, voici, tagada de soin, notre petit montage. Coco le coco. Tic tac, tic tac. Quand on est fier d'être une poule, on fait patate et pas coin coin. Oh là là. Revolte soulavait son voisin d'un air de colère. Il lui dit hum hum, vous faites exprès de me bousculer, monsieur. Et toc, là-dessus, il se jette sur une place libre et s'assoit. Boum. Ce même jour, un peu plus tard, ding-dadon, je le revis en compagnie d'un autre effet. Reprout. Qui lui causait bouton par-dessus. Et toc. Vous êtes toujours sur Marmite FM 88.4 dans le temps ne fait rien à l'affaire et je suis bien certain que vous avez reconnu, allez, presque tout le monde dans ce petit montage. Et s'il vous demeurait malgré tout quelques hésitations, rendez-vous sur rienalaffaire.com, le site de cette émission, à la rubrique Contact où vous pourrez tout nous demander. Petit montage, qui était donc suivi, vous les avez reconnus eux aussi, par les magnifiques Frères Jacques, avec cet extrait des exercices de style de Raymond Queneau, dans la version réalisée par la compagnie Yves Robert, qui avait porté la chose en scène en 1949. Alors, en 1949, Yves Robert n'était pas encore le cinéaste populaire que l'on connaît puisque son premier long métrage, dans lequel apparaît toute sa bande de copains de l'époque, ainsi qu'un certain Louis de Funès, et qui est intitulé « Les hommes ne pensent qu'à ça », ne sera tourné qu'en 1954, et que le grand blond, par exemple, attendra sa chaussure noire encore 18 ans. Et Yves Robert, donc, avait mis en scène ses exercices de style, qui étaient parus 2 ans plus tôt, en 1947, et dans lesquels Queneau s'était amusé à raconter 99 fois la même anecdote, totalement dépourvue d'intérêt, une querelle sur la plateforme d'un autobus, puis une rencontre fortuite devant la gare Saint-Lazare, mais en s'imposant à chaque fois une contrainte stylistique plus ou moins sérieuse, comme Litote, Alexandrin, métaphoriquement, mais aussi Louchébem, contrepétri, Javanet, injurieux, ou permutation par groupe croissant de mots, et donc onomatopée. Cela se passait sur la scène du cabaret de la Rose Rouge en 1949, avant que Jacques Canetti ne présidât 5 ans plus tard, en 1954, à sa production phonographique chez Philips, sur un petit 25 cm dont est tiré l'extrait que nous avons entendu et sur lequel on retrouvait, outre les frères Jacques, Jacques Ealing, Edmond Tamise, Jean-Marie Amato et le délicieux Guy Pierrot, qui prêta entre autres sa voix à Bugs Bunny ou Max la Menace, comme quoi, même avec les onomatopées, on touche à des sommets. Et tiens, à propos de sommets... Là-haut, là-haut, dans la montagne, je vis avec mes blancs moutons. Bé, bé. Mais c'est en bas, dans la campagne, que j'ai rencontré Jeanneton. Bé, bé, bé. Quand je lui dis « Vous êtes belle », c'est en riant qu'elle répond « Belle, belle ». Et là-haut, quand je suis loin d'elle, je pleure avec mes blancs moutons « Belle, belle, belle, belle ». Mais un beau jour, quoi qu'elle dise, je mettrai le voile à son front. Bé, bé. Et quand nous serons à l'église, c'est mes moutons qui chanteront. Bé, bé. Bourvil, la chanson des moutons, indispensable extrait du tout aussi indispensable sommet du 7e art que fut en 1961 Tout l'or du monde, réalisé par René Clair et dans lequel, comme souvent, Bourvil joue le rôle d'un idiot, pas aussi idiot qu'il en a l'air. J'avoue avoir du mal à résister à une chanson de Bourvil quand l'occasion se présente. Alors bien évidemment, on pourrait indéfiniment allonger ce petit florilège onomatopéique, puisque nous évoquions Bourvil, nous aurions pu par exemple écouter sa version du célèbre « Pouette Pouette », dont l'interprétation originale était signée Georges Milton et tirée de l'opérette « Elle est à vous », créée par ce dernier en janvier 1929 au Théâtre des Nouveautés, avec une musique de Maurice Yvain et un livret d'André Barde, chanson qui fut d'ailleurs également reprise par Claude Nougaro dans son album Récréation. Je lui fais, pouet pouet, elle leur fait, pouet pouet, on se fait, pouet pouet, et puis ça y est. Je lui fais, pouet pouet, elle me fait, pouet pouet, on se fait, pouet pouet, et puis ça y est. Je lui fais, pouet pouet, elle me refait, pouet pouet, on se refait, pouet pouet, et puis ça y est. Rappelons, chers auditeurs, que le Code de la route précise clairement dans son article R416 alinéa 1 que, hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route, qu'en agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat et que dans tous les cas, les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire. Cette émission touche à son terme et nous la refermerons avec une chanson de Juliette Gréco, une chanson tout à fait originale en ce qui concerne l'usage de l'onomatopée, puisque en fait, il n'y en a aucune. Le titre est sorti en 1973 sur un petit 45 tours Barclay. Il est signé Michel Rivegauche et Philippe Gérard, qui s'y sont amusés à remplacer justement les diverses onomatopées par le son lui-même. Le naufragé en abordant aux îles sous le vent entendit une musique bizarre comme le son d'une. Il s'assit pour se reposer au pied d'un coquetier qui se balançait doucement sous le souffle du vent. Il y avait dans les arbres là-haut le doux chant d'air, c'était bien mieux comme chansonnet que le bruit d'un serpent à. Et toujours cette musique tendre, si troublante à entendre. Et soudain, une voix tout près, une voix qui. Oui. Vers cette voie, alors se dirigea, un peu comme au petit bonheur, sentant battre son pouls. Et tout à coup, il aperçut, belle et à moitié nue, qui dansait seule dans le matin en t'apprenant. D'admiration et tout soufflé, il se mit à. Pendant qu'elle, sans se troubler, des lèvres lui lançaient. Alors il s'approcha plus près, tellement près, qu'ils se marièrent tendrement et eurent beaucoup. Vous avez deviné beaucoup de petits naufragés, beaucoup de petits naufragés, de petit naufragé. Laissons cette charmante famille à son touchant bonheur et retirons-nous discrètement. Splash! Semaine dans le temps ne fait rien à l'affaire, vous avez entendu Claude Nougaro, Charles Trenet, Philippe Caillard, Charlus, Françoise Hardy, Camille et Nathalie Dessay, Steve Waring, Sam Hinton, Jacques Higelin, Gaston Ouvrard, les frères Jacques, Bourville et Juliette Gréco. Merci à Ronan qui était fidèlement aux manettes aujourd'hui comme d'habitude. C'était Le Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante sur Marmite FM 88.4. Salut, c'était Jean-François, à mercredi prochain. Marmite FM 88.4. Marmite FM, c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h, le mercredi de 13h à 21h, le samedi et le dimanche de 9h à 13h. Prenez le micro. Petite break sur une île, elle me prend en otage. Sa première découverte, je la sens en extase. Ses habits tombent sur ses yeux, c'est l'automne avant le strip tease comme promis dans le contrat. Cocktail, Jack Sparrow, faisons parler nos cœurs. Dans sa playlist, I just want to come on my head. Et quand ça chauffe, la lune est gênée et détourne le regard. C'est what I'm talking about. Et à peine c'est fini, elle insiste, elle en demande encore. That's for you, baby. Elle me dit que je suis le prof qui lui apprend le langage des corps. Jack Sparrow on fire. Mais j'ai les yeux rivés sur le voyage et j'admire le décor. Et ça lui fait de la peine et je comprends qu'elle m'aime à chaque fois qu'elle s'en va. C'est what I'm talking about. Ce qui se passe en croisière, ça reste nos affaires. Est-ce que tu réalises? Mes regrets. s'éloigne de moi, pour le meilleur et pour le pire. Je ne pense pas que je t'aime, je pense juste que je n'aime pas la vie pour faire du mal à ceux qui veulent de moi. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a qu'en musique qu'on applaudit pour les faire pleurer. De toute façon, y'a que ça qui me sauve. Y'a qu'en musique qu'on applaudit. Mes regrets. FM, prenez le micro, c'est votre radio. Histoire courte des ateliers d'écriture. Il les imagine, il les partage avec vous sur Marmite FM. Voici les histoires courtes écrites dans les ateliers d'écriture des Amis des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il arrive que l'on perde parfois la tête. Est-ce si grave ? Non, bien au contraire. C'est peut-être tout simplement avoir la tête dans les étoiles. Ce texte vous est proposé par Pascal Mahé. J'ai toujours eu du mal à rester sur la terre. Je m'en suis enfui très tôt. En fait, ma tête a lâché mon corps dès mon plus jeune âge et a voulu aller plus haut. J'en ai inventé des histoires, j'ai voulu en vivre aussi. Le jour, je n'en étais pas capable. Alors, j'ai choisi de vivre la nuit. La nuit, c'était plus facile. Je me sentais plus légère. J'étais seule pour ces voyages. Qu'importe la nuit et ses mystères, pour moi, il n'avait plus de secret. Je me fondais en elle et sereine, j'avançais. En fait, ma tête seule avançait. Elle quittait mon lit, la maison et le toit, puis, ragaillardie, elle partait loin, là-bas. Je reconnaissais au passage le quartier, le petit pont et le bois. J'entendais le ruisseau qui glissait sur les cailloux, le chant des petits oiseaux de nuit et le cri du hibou. Quel plaisir de s'évader, de découvrir d'autres contrées. Mes yeux étaient habitués à voir dans le noir et quel que soit le temps. Chaleur, vent ou pluie, j'étais à l'aise et m'extasiais devant tant de beauté discrète et embaumée. Je sentais les odeurs proches ou lointaines. Mes sens étaient accentués, approfondis, agrandis. En un mot, je revivais. Enfin, ma tête seule revivait, car mon corps restait avachi dans mon lit. Je passais ainsi des jours, des semaines, des mois, des années à faire le tour de mon pays. Mais quelque chose me manquait. J'avais toujours envie de découverte. Ma tête ne tenait plus en place et le jour, elle ne pensait qu'à repartir plus loin, dans la nuit. Quelle souffrance d'attendre qu'elle revienne enfin. Quelle joie quand elle était là. J'étais libre à chaque fois. Puis, une nuit, la révélation. À mon attente vint l'explication. Je trouvais ce qui me manquait. J'avais tout exploré, mais il me manquait l'essentiel, le ciel. J'avais peur, je l'avoue, de plonger dans son immensité. Je clignais des yeux, je faisais la moue, et profondément je respirais. Enfin, je me décidais, et vers les cieux je montais. Que c'était beau et lumineux. J'y revenais très souvent, car ce qui était le plus plaisant, c'était les millions d'étoiles qui brillaient maintenant tout autour de moi. Quelle douceur que tous ces feux! On aurait dit qu'elles étaient juste là pour moi. En fait, elles semblaient m'attendre. Je ressentais alors pour elles de l'attirance et de la joie. en un mot, comme un grand amour. Peu à peu, je ne pus me passer d'elle et décidai de rester là. Enfin, seule ma tête resta auprès d'elle et mon corps resta en bas. Je vécus très longtemps ainsi, la tête dans les étoiles, et à ce moment-là, je compris pourquoi je m'appelais Stella. Ce texte vous a été proposé par les amis des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines qui promeut le développement du livre et de l'écrit sous toutes ses formes. Atelier d'écriture créative, club de lecture, de poésie, atelier de reliure d'art. Retrouvez-nous sur notre site amidesmediathèques.fr et en podcast sur marmitefm.fr. Marmite FM, prenez le micro, c'est votre radio. Marmite FM, c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h, le mercredi de 13h à 21h, le samedi et le dimanche de 9h à 13h. Prenez le micro. Je suis dans l'avion avec Charlotte Cardin. Si on s'écrase, ouais, ça parlera juste d'elle. Et vu que c'est ça le succès, je fais Paris-Bruxelles dans la même semaine. Oh, and I'm in a yeah, hey. It's gonna be good times. Tendu le kid à la radio Nova. Alors là, du coup, c'est quoi cette life? Don't get high on your own supply. I wish you told me. Elle avait besoin d'espace comme une astronaute. Seul ghostwriter dans la vie qui se fait go. Rainfall au club, solo, seul au monde sous la douche. T'as plus comme mes blue jeans, plus high que Louis. Yeah. Encore 2020, ça part mal la journée. Montréal sans l'été. Cette chanson dans ma tête pendant que tu m'expliques que je n'écoute jamais. Oh, oh, venez to your gun. Somewhere by the Frank Ocean. Je m'aimais mieux avant de me connaître sur la mort. J'ai mis faire les syndicats. C'est la cœur de mon niveau, yeah. I wish you told me before. Sorry that we ran out of time. I got the best if you got the best. Oh, yeah, yeah, yeah. J'ai choisi cette route en sachant tout ce qu'elle me coûterait. De la peine était toute qui donne tous mes plus beaux couplets. Je vivrai loin de vous, loin de tout ce que je connais. Mais c'est plus fort que tout. vois que tout ce que je connais. Maman me voit perdue dans mes rêves. C'est loin de là. Elle sait que pour penser mes plaies, je n'en fais que ça. Je n'ai plus de rancœur, plus de peine. Le temps d'une scène, je peux trouver la paix dans le haut corps. Mon ange, toi qui es venu du ciel, je ne sais pas quoi te dire quand tu veux que je t'aime. Moi je ne veux que chanter, je chanterai même. C'est le fol que les yeux viennent me couper les ailes. Hey, pardonne-moi de te blesser, mais n'attends pas de reset. Les plus toutes tes baisers ne m'apaisent que de justesse. Des mélos dans la tête, des mots tout dit qu'en vitesse. C'est seulement dans mes textes que je te dis que je t'aime. Tu me voyais perdu dans mes rêves, c'est loin de là. Tu sais que pour penser mes plaies, je n'avais que ça. Je n'ai plus de rancœur, plus de peine. Le temps d'une scène, je peux trouver la paix dans le haut cas. Mon ange, toi qui es venu du ciel, je ne sais pas quoi te dire quand tu veux que je t'aime. Moi je ne veux que chanter, je chanterai même. C'est le folle que les yeux viennent me couper les ailes. Hey, souviens-toi, sourire aux lèvres quand tu me verras sur l'affiche. Je sais, nous deux c'était bref, mais ça c'était le risque. J'ai pas oublié tes larmes, même si j'ai l'air de m'en foutre. Je les reverse dans le mail quand je fais face à la foule. Tu me voyais perdu dans mes rêves, c'est loin de toi. Tu sais que pour penser mes plaies, il fallait ça. J'ai pas de rancœur, pas de peine. Le temps d'une scène, je peux trouver la paix dans le monde. FM, prenez le micro, c'est votre radio. Je serai heureux quand j'aurai une belle femme et de beaux enfants, une maison en or et une vie en argent. Quand j'aurai tout en grand, tellement heureux quand j'aurai du succès auprès des gens. Je ne ferai qu'un avec le présent, bref. Quand j'aurai 120 ans, quoi. Et j'en souffle martyr. Quand je m'en remets à l'avenir, je m'enferme chez moi, j'évite les regards où je me compare. Je suis victime de moi, je mets trop de temps et d'efforts à posséder de nouvelles choses, à sécuriser mon confort. Je mets trop de temps et d'efforts. Je suis dans le déni, je suis déprimé. Le recul m'a dit la vérité. Je suis détruit, je suis frustré. Le recul m'a fait réaliser. Bah, je suis frustré car j'ai peur de grandir, vieillir, mourir, d'être blessé, paralysé, d'être exclu, malade et sale. Je dépends de ce qui ne dépend pas de moi, de la pluie comme du train qui n'arrive toujours pas. D'un bug wifi, des bubis tubes obligatoires, des bouchons ou de mes boutons dans mon miroir. Aujourd'hui tu vois petit frère, petite sœur. Je grandis, vieillis, meurs. Je suis blessé, paralysé, exclu, malade et sale. J'ai peur de quitter mon confort, d'être en échec et d'avoir tort. Que sur moi s'acharne le sort. Mon cœur bat de plus en plus fort, bat de plus en plus fort. Plus en plus fort, bat de plus en plus fort. Mm-hmm. Life is not a thing. Life is a process that makes itself based on cells. A millions of a middle in a galaxy of systems that wrap themselves, propensity to grow and grow and grow and grow in a self-making process. Life, it's a way of behaving. Prenez le micro sur 88.4, Marmite FM, c'est votre radio. Salut à tous, c'est Julien, le frisé de la marmite. Aujourd'hui, on est mercredi et mercredi, c'est le jour des enfants, évidemment, mais c'est aussi le jour de l'anti-sèche. Et oui, l'émission que personne ne sèche, ça se passe ce soir à 20h jusqu'à 21h. On sera en direct avec toute mon équipe. Ça se passe sur Marmite FM, le 88.4. Donc je vous dis à tout à l'heure sur Marmite FM. Pensais que j'allais changer. Non, non, jamais. Elle pensait que j'allais me ranger. Non, non, jamais. Elle m'a dit s'il te plaît, baby, viens, on s'arrête. Je crois qu'on va toucher le fil de la cigarette. Au début j'y pensais, puis j'ai fini par oublier. Puis j'ai fini par oublier le bon goût de sa bouche. Pour arrêter d'y penser, je me dis qu'elle se fait déglinguer par un mec au hasard qu'elle aurait croisé sur sa route. Voilà le remède, le remède. Voilà le remède, Quand je repense à nous, babe, je suis comme égaré. J'en deviens taré. Oh, oh, oh, comme si tu m'arrachais le cœur lentement. Un bon gros pointu dans les bijoux. Comme si tu me roulais dessus. Marche avant, marche arrière, marche avant. Au début j'y pensais, mais je n'ai jamais oublié. Non, je n'ai jamais oublié le bon goût de ta bouche. Pour arrêter d'y penser, je me suis dit que j'allais peut-être flinguer les mecs au hasard qui vont sûrement croiser ta route. Voilà le remède. Le remède. Voilà le remède. Le remède. FM 88.4. Prenez le micro, c'est votre radio. Dehors c'est gris, t'as vu ce temps. Ça sent le chien mouillé qui se doit d'oublier ce qui l'amuse tant. Le condé peut patrouiller, nous on peut pas rouiller. Royard t'amène vadrouiller au cri de la Mustang. On retournera sous ce pont pour ne pas tout zapper. Pour me rappeler que là où l'arc de partout s'appelle. Il avait raison, faut du carton pour isoler du sol. Il ne l'a plus jamais touché, c'est fou l'ironie du sort. Si vous m'aviez vu, c'est de là que tout parle mental. Enroulé dans du papier bulle sous la départementale. Au matin passant la frontière dans un cas de crise unie. On poussait une boîte à vitesse dans un cas d'hybride unique. Visualise-toi l'enterrement. Tu me croirais pas si je te racontais l'histoire entièrement. On en rit, c'est un mal sur le cou, c'est un poids de plus. C'est un mât qui s'écroule sur un toit de plume. On remarchera dans le riff si la paix s'arame. Là-bas, c'est l'huile d'olive sur de la baie Sarah. Ils disaient t'es plus seul à ouais, mon gars, c'est Mohamed. On ira s'éleil à Chef Shawen, embrasser Mohamed. On reverra peut-être pas les mêmes, non. Et on devrait peut-être en parler maintenant. Frère, on a tâté la merde, son goût n'est pas variable. Tout un crew de barbarian, route et Bavaria, ouais. On revivra cette soirée où des étoiles plein les cieux. On prononçait des vœux, mais ses efforts ne payent pas. Puisqu'on revivra ce jour où j'ai de la quête à plein les yeux. Et j'amorce le feu là dans un port de Pays-Bas. Sous trip, j'ai brûlé des étapes et au taquet de 407. C'est inacceptable pour un paquet de gars sensés. Mais la vie, c'est pas toujours bien ou mal, c'est comme on peut les mecs. J'ai une question, viens ou marche, c'est comment pour les mails. Le silence, j'arrive pas, c'est mort. J'arrive pas, c'est mort. Toutes ces nuits à dormir dans un caisson de basse énorme. Si on m'avait dit que l'asile serait un ciel ouvert sans grillage, que des carrés d'acide rempliraient nos vertes sans grillage. J'arrive pas, c'est mort. Si je retourne là-bas, c'est cuit. Si je retrouve la crasse, la casse, la base et le cuivre. Là où la police sépare, où la folie sépare. Je l'ai vécu, je suis devant vous, ne m'applaudissez pas. Ouais. Voyez, ça fait du bien, je rentre. Tout se nettoyer quand l'autre s'est noyé dans ce qu'il vient de rendre. La plupart des gars disaient on se fixe pas, dégage. Mais la mort avait d'autres plans. C'est par des gaz, j'ai vu trop de braves rôdir. Vu que Navarro dire, on va lui remettre une tempête en chantant Pavarro. Je te ramène dans la caisse où je pliais vos grands chefs. Pilote les mains dans la graisse, le pied au plancher. Je ferai le bilan seulement si la pluie est battante. Je suis plaie rempli de pus qu'on ne pourra pas suturer. Moi je t'ai jamais dit qu'elle serait la plus épatante. Ma vie, une histoire de plus qui n'aura pas su durer. Rien, rien, rien, rien d'autre à gâcher. Rien à perdre d'autre, à part des perles d'autres. Rien, rien, rien, j'ai rien d'autre à gâcher, j'ai bien deux trois cachettes, mais rien d'autre à cracher. Chute, rien, niente, des wagons de larmes. Ils ne font que passer fils, ils dégageront de là. Non, non, dit mendicato, niente. Si le bien s'appelle, que chacun porte sa peine, moi je ne veux rien zapper. Rien, rien, rien, rien d'autre à gâcher. Rien à perdre d'autre, à part des perles d'autres. Rien, rien, rien, j'ai rien d'autre à gâcher. J'ai bien deux trois cachettes, mais rien d'autre à cracher. Chute, rien, niente, des wagons de larmes. Ils ne font que passer fils, ils dégageront de là. Non, dit mendicato, niente. Si le bien s'appelle, que chacun porte sa peine, moi je ne veux rien zapper. Rien, rien, rien, rien d'autre à gâcher. Rien à perdre d'autre, à part des perles d'autres. Rien, rien, rien, j'ai rien d'autre à gâcher. J'ai bien deux, trois cachettes, mais rien d'autre à cracher. Chute, rien, niente, des wagons de l'âme. Ils ne font que passer fils, ils dégageront de l'âme. Non, dit mendicato, niente. Si le bien s'appelle, que chacun porte sa peine, moi je ne veux rien zapper. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et très bonne année 2025. Marmite FM, fréquence 88.4 et Graciela de l'association Arsérie vous présente l'Arsérie Express, l'émission où l'on tente un regard différent sur les séries. Et cette émission est vraiment, vraiment spéciale puisque c'est la 50e. Plus de 120 séries visitées depuis septembre 2021, où notre chère Radio Marmite FM avait accueilli l'Art Série Express. Plus de 120 séries commentées avec la volonté de partager un regard nous permettant de saisir leur universalité. Pour confirmer, comme l'indique si bien la philosophe Sandra Logier dans la publication du CNRS intitulée « Les séries, laboratoire d'éveil politique », elles sont de plus en plus souvent porteuses d'un message des sociétés. Et elle rajoute « Les séries fournissent des référents culturels communs forts qui peuplent conversations ordinaires et débats politiques ». Et aujourd'hui, c'est évident que leur impact sur les régimes démocratiques, conçus comme des espaces de délibération, des contestations et des transformations sociales, est majeur. Fin des citations. Ces paroles nous réitèrent que les séries nous confrontent à tous les sujets qui façonnent notre réalité. Dans cette émission, pas comme les autres, faisons un tour rapide dans l'univers des thématiques des séries. Par exemple, celle du pouvoir. Vous rappelez-vous des Game of Thrones, Baron Noir, Borgen, House of Cards et tout dernièrement La Diplomate, excellente série américaine créée par Deborah Kahn, où les jeux et les enjeux géopolitiques sont mis à nu à travers un script très intelligent. Série que vous pouvez découvrir sur Netflix. Les systèmes économiques, parfois machiavéliques, sont aussi abordés dans les séries. Comme dans Bad Banks, une coproduction germano-luxembourgeoise créée par l'Allemand Oliver Kinley et diffusée par Arte en 2018. Ou dans Billions, une autre série venue des USA, sortie de l'imagination de Brian Koppelman, David Levine et Andrew Ross Sorkin, à regarder sur Canal+. Ces séries nous parlent des boires et des déboires du monde de la finance. Les séries savent aussi nous parler des problématiques sociales. Ainsi va de l'incroyable mini-série américaine Unbelievable. Incroyable, de Susanna Grant, qui est toujours sur les catalogues de Netflix. De même que la série policière indienne Daily Crime de Richie Mehta. C'est d'ailleurs la première série de cette nationalité à obtenir un Emmy Award en 2020 en tant que meilleure série dramatique internationale. Les deux séries nous montrent ce que j'appellerais une constante oscillation dans le traitement du crime de viol. La première parle de l'indifférence policière vis-à-vis des victimes, attitude qui change au fur et à mesure de la féminisation de la police. Quant à la série indienne, elle évoque la tragédie du viol collectif et le meurtre d'une jeune femme au sud de New Delhi en 2012, qui avait été fortement médiatisée, et suit les démarches d'une policière chargée de l'enquête, en montrant toutes les difficultés rencontrées pour avancer. Les inégalités, la diversité, le racisme sont aussi des sujets traités par les séries, comme Outer Banks de Shannon Burks, qui raconte les aventures d'un groupe d'adolescents marginaux, Self-Made, qui nous fait connaître l'histoire de la première femme afro-américaine à devenir millionnaire par elle-même. Et Hollywood de Ryan Murphy, série qui nous ramène au Hollywood des années 40, époque considérée comme l'âge d'or hollywoodien, où un groupe d'artistes prêts à tout pour réussir va découvrir les dessous d'une industrie où règnent les inégalités envers les personnes de couleur, les femmes et les homosexuels. Toutes ces séries sont américaines et vous pouvez les retrouver sur la plateforme Netflix. Depuis plus, les séries n'hésitent pas à aborder des sujets encore plus sévères comme les systèmes carcérales avec son lot de violences. Des excellentes séries comme la danoise Prisoners, la britannique Time de Jimmy McGovern ou l'argentine El Marginal, le marginal de Sébastien Ortega, diffusées en France par Canal+, nous permettent de nous introduire par écran interposé dans cet univers hostile et parfois impitoyable. Il y a aussi des séries qui touchent à l'évolution sociale contemporaine, telles que les nouvelles technologies ou leurs dérives. Je vous recommande des séries basées sur des faits réels, comme l'allemande The Billion Dollar Code, l'histoire du conflit juridique entre TerraVision, un moteur de recherche européen, et Google, ou la suédoise The Playlist de Christian Spurrier, où nous découvrons l'origine de la plateforme musicale Spotify. Sans oublier la fabuleuse série Black Mirror. Elles sont toutes les trois disponibles sur Netflix. N'oublions pas les séries historiques et celles qui s'inspirent dans la littérature, dont je vous avais parlé dans des émissions précédentes. Bref, il y a les séries qui nous font rire et celles qui nous font pleurer. Il y a des séries qui nous permettent de décompresser après des journées difficiles. Il y a d'autres qui nous font réfléchir. Et puis, pour ce qui concerne le public, les séries sont vraiment transversales, car elles s'adressent à tous les publics, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Tout cela ne pourrait pas exister sans celles et ceux qui nous racontent les histoires. Celles et ceux qui savent maintenir les suspenses d'un épisode à un autre. Les auteurs, les scénaristes. Mon parti pris a toujours été de leur rendre hommage, car souvent, ils et elles sont oubliés. Je pourrais continuer à vous parler d'un tas d'autres séries qui m'ont marqué, mais je souhaite passer la parole aux membres de l'équipe des Marmites FM, cette équipe qui m'accompagne depuis toujours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, chef du projet radio à Marmite, et Ronan, que nous connaissons tous parce que c'est notre magicien de la technique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Chloé, tu as toujours accueilli favorablement mes projets d'émission et je sais que tu es aussi amatrice des séries. Pourrais-tu nous dire ton avis sur l'émission? Alors en fait, l'Art Série Express, qui est donc à sa 50e aujourd'hui, est essentiel puisque en fait, les séries sont devenues incontournables et que d'une part, donc, l'émission fait découvrir de nouvelles séries tous les mois. Aux auditeurs et auditrices. Mais ce qui est très intéressant dans l'émission, c'est que cela va au-delà de faire découvrir des séries, puisque tu nous offres en fait un regard plutôt sociétal sur ces séries que je trouve intéressant et je pense qu'il est intéressant pour les auditeurs de Marmite. Voilà ce que je pourrais dire sur l'émission et donc nous sommes ravis de continuer à t'accueillir pour nous faire découvrir ce champ énorme qui est devenu énorme des séries. Merci beaucoup. Tes paroles vraiment m'émeuvent et m'enthousiasment et alimentent totalement la motivation que j'ai pour continuer à produire, à écrire et à vous faire découvrir des séries sur ces regards particuliers donc de la série Express. Une autre petite question, qu'est-ce que tu aimes le plus dans les séries? Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée parce que les séries, il y a beaucoup de choses. Et en fait, je me suis posé la question vraiment, qu'est-ce que j'aime particulièrement des séries? Dans les séries, est-ce que j'aime autre chose que ce que j'aime au cinéma, voilà, parce que Moi, j'ai vécu un temps où il y avait, où les séries étaient beaucoup moins présentes. Et donc, je me suis posé la question de cette évolution. Et en fait, qu'est-ce qui me plaît dans, dans les séries ? En fait, c'est le fait de pouvoir plonger dans un univers, de découvrir et de s'attacher à des personnages au fur et à mesure des, on va dire, des épisodes. Voilà, où on les découvre, effectivement, petit à petit, on s'attache à eux. Et d'ailleurs, je trouve que c'est toujours un peu compliqué quand ça s'arrête. On se sent un petit peu orphelin. Voilà. Alors, en fait, ce que j'aime, moi, par exemple, j'aime beaucoup le cinéma français. Mais pour les séries, j'ai remarqué que j'aimais vraiment regarder des séries qui sont réalisées dans différents pays. Ce qui me donne l'impression de découvrir des cultures que je ne connais pas au travers des séries, en même temps que, bien sûr, je suis une histoire, mais on voit qu'elle est vraiment marquée par la couleur, on va dire, du pays de réalisation. Je l'ai plus remarqué qu'au cinéma, voilà. Qu'est-ce que j'aime d'autre encore dans les séries ? Ben, on va dire, j'aime plutôt, moi... je suis assez sensible aux séries qui sont sociétales. Voilà, que c'est plutôt ça que je vais regarder. Voilà. Bah, tu as très très bien signalé l'une des forces des séries, c'est-à-dire le fait de faire découvrir d'autres cultures. En France, la France a toujours été un pays cinéphile. Et les séries ont eu du mal à s'imposer, mais elles se sont imposées par la force des choses. C'est peut-être l'un des effets collatéraux du Covid, mais l'un des peu des effets collatéraux, bénéfiques. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Mais en fait, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce qu'il y a deux optiques différentes. Un film n'est pas du tout comme une série, ne suit pas la même logique. Et dans ce sens, c'est très intéressant. Avec l'époque, on va avoir évidemment un va-et-vient entre les deux pour différentes raisons. Mais ça, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que chaque manifestation, chacun de ces arts garde finalement ses propres caractéristiques et peuvent satisfaire les différents publics. Donc, voilà. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que vraiment, il n'y a pas de souci à la coexistence des deux. Ce n'est pas la même chose et les deux sont très intéressants. Et vraiment, les séries sont montées en puissance, mais aussi en qualité, on va dire. Maintenant, on a des séries extraordinaires. Voilà, je dis ça parce qu'au départ, ce n'était pas forcément toujours le cas. Et maintenant, on est à égalité avec des films. On va dire, on a des très bons films, on a des très mauvais films. Et c'est pareil pour les séries, voilà. Exactement. Mais c'est intéressant aussi, ce que tu viens de dire, parce que l'un des aspects que je tiens toujours à signaler dans l'Art Série Express, c'est que c'est important d'exercer un œil critique parce qu'en effet, il y a aussi des mauvaises séries. Il y a aussi des séries qui sont plutôt nocives même. Un jour, peut-être, on fera une analyse un peu plus complète sur certains sujets qui nous arrivent avec les séries comme la violence, etc., etc. Mais c'est important d'exercer un œil critique. C'est aussi l'un des propos de l'Art Série Express. Maintenant, on va peut-être écouter Ronan qui... J'essaie, Ronan, cher Ronan. Mm-hmm. Que tu partages les plaisirs des séries. Souvent, j'ai eu l'opportunité d'admirer tes connaissances dans la matière, notamment sur les séries animées. Justement, j'aimerais avoir ton avis sur l'engouement du public jeune vis-à-vis de ces séries. Qu'est-ce qui fait que les jeunes et les plus jeunes préfèrent les animés ? Déjà, merci beaucoup pour ces compliments. Déjà, moi, je suis pas sûr que ce soit les jeunes qui préfèrent les animés. Je dirais plus que c'est les personnes plus âgées qui ne s'y intéressent pas du tout. Et en fait, tu vois, je trouve que les jeunes regardent des séries classiques et aussi des séries d'animation un peu de manière égale. Et en fait, ils ont grandi avec des séries d'animation et ils continuent à regarder aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout rentré dans la culture générale il y a, je sais pas, je dirais 20-30 ans. Et donc, en fait, les gens sont restés avec cet a priori là de les séries d'animation, c'est pour les enfants, c'est pas pour moi, etc. Donc, s'y intéressent pas spécialement, alors que aujourd'hui, l'offre est tellement grande qu'il y a des choses vraiment, vraiment pour tout le monde. Donc après, voilà. Après, mais en général, pourquoi on aime les séries d'animation? Moi, j'avais noté 2-3 petites choses. Après, je sais pas, voilà, je suis pas expert non plus académique. Mais ce qui me paraît quand même assez intéressant, c'est que déjà, on sort de... Bon, ça vient beaucoup du Japon, de Chine, enfin, d'Asie de manière générale. Même si aujourd'hui, c'est plus démocratisé. Corée du Sud aussi, beaucoup. La France avait une petite culture de séries d'animation à ce moment. Et en fait, on sort un petit peu de ce côté généralement très occidental où on a, où Chloé en parlait tout à l'heure, en fait, c'est une autre culture, une autre façon de créer le récit, de raconter des histoires, en fait. Et même si ça reste très compréhensible, ça offre quelque chose, en fait. C'est une alternative, je dirais, au standard des séries et films souvent américaines ou européennes depuis un moment. Donc ça offre une alternative, je pense aussi, qui est bienvenue et intéressante pour beaucoup de spectateurs. À part le fait de confirmer ce que Chloé nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire elle nous rapproche des cultures qui jusque-là étaient peut-être plus éloignées. Ça suit l'évolution du monde, finalement, sur les échanges entre les différentes personnes, en fait. Voilà, bien que souvent, il y a eu des séries animées qui ont pris comme sujet les grands classiques, par exemple, de la littérature occidentale. Il y a des codes de séries animées qui sont repris dans des films aujourd'hui qui sont américains ou quoi que ce soit. C'est un échange permanent et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les gens s'inspirent les uns des autres, ce qui se fait de bien à gauche et à droite pour faire un super mélange. Et ça, c'est... Et ça, voilà, c'est assez récent, effectivement, comme tu disais. Je pense qu'en effet, quand tu dis que c'est les plus âgés qui ne s'intéressent pas aux séries animées, parce qu'effectivement, je pense que ils sont restés ils sont d'une époque, entre guillemets. Attention, Chloé. Les séries animées sont relativement récentes dans la culture générale. Mais de toute façon, comme les animés en général, que ce soit du film d'animation ou de la série animée, en fait, au départ, ça a été beaucoup et essentiellement dirigé vers un public enfant. Oui. Et donc, du coup, je pense que effectivement, il y a tout un tas de personnes qui restent encore bloquées sur cette image. Oui, puis ça vient de là. Enfin, c'est les enfants des années 80-90 qui ont grandi avec les dessins animés. Et en fait, on continuait de regarder des séries d'animation parce qu'ils avaient grandi avec ça. Et après, ça a permis aussi, comme les auteurs... les auteurs d'aujourd'hui, c'était les enfants des années 80-90 qui grandissaient avec des dessins animés, se permettent aujourd'hui d'utiliser ce médium pour faire des histoires bien plus matures ou adaptées au public adulte. Alors, pas que, évidemment, mais en partie. Encore un aspect intéressant dans les séries, c'est-à-dire le fait de pouvoir adapter, de pouvoir populariser ces genres, cet art qui est l'animé. Oui, puis ça suit la tendance générale pour les médias de manière générale avec Internet et le fait que des niches sont toujours partagées par des gens et du coup ça développe beaucoup de sous-genres à gauche et à droite. On n'a plus juste les films qui sont vus par des millions de gens et les autres, enfin pareil pour les séries, où il y a 4-5 œuvres très très populaires et le reste qui est vraiment très confiné à à des experts entre guillemets. Alors que maintenant, si on a des préférences sur certains types de séries, on a tout un sous-genre qui se développe, parce qu'il y a des spectateurs maintenant pour tout. Évidemment, et donc c'est très bien que ça travaille contre l'élitisme. Tout à fait. Alors, une autre petite question, oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette explication et tes réponses, très riches par ailleurs. Pour toi, quelles sont les séries les mieux réalisées en 2024? animés okay. et autres. Alors, bah 2024, ça n'a pas été ma meilleure année de série. Je n'ai pas regardé énormément. Donc, je vais en citer une qui me paraît au-dessus de toutes les autres en termes de réalisation. Ce n'est pas forcément celle que j'ai préférée. Ça va être la saison 2 de Arcane, dont tu as parlé un petit peu. Voilà. Un des plus gros budgets, enfin même, je crois, le plus gros budget par épisode de série d'animation qui a été faite en France, d'ailleurs. On en profite pour le souligner. Série française. Alors, série américaine, mais faite par un studio français. Mm-hmm. Voilà, pas produit à les États-Unis, et voilà, et faite par un studio français. Mm-hmm. Voilà, une série qui a cartonné cette année sur Netflix, d'ailleurs, qui a trusté les meilleurs scores, que ce soit sur les sites de critique, etc. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. J'étais très fan de la première saison. La deuxième, je trouve qu'ils ont abandonné des thèmes qui me plaisaient par rapport à saison 1, et je trouve ça un peu dommage. Mais en termes de qualité, de réalisation, d'animation, il y a toujours des très beaux plans, la narration est plutôt bien faite, etc. Donc je pense que c'est mon top 1 de l'année des séries les mieux réalisées. À part le fait que les images sont extrêmement belles. Moi, je trouve oui. les dessins ouais, voilà. très beaux. En fait, y a, c'est fait par des gens qui sont très fans d'animation. Et en plus, le budget consacré aux épisodes est assez grand. J'ai plus les nombres en tête, mais ça rivalise largement des épisodes, même des séries très populaires, etc. Donc ouais, le résultat est vraiment top. C'est très beau à regarder. Merci. Il faut prendre les conseils en compte parce qu'en effet, Arcane, c'est l'une des plus belles séries que j'ai regardées également. Alors, Chloé, je m'adresse à toi. Pour toi, je sais que tu travailles beaucoup, que parfois, pas le temps de regarder beaucoup de séries, mais quelle série est la série qui t'a le plus marquée, impressionnée? Pour l'année 2024. Alors, une série que j'ai beaucoup aimée cette année, voilà, je ne sais pas si elle m'a impressionnée, mais en tout cas, elle m'a marquée, c'est La Mafia tue seulement en été. Voilà. Série Arte. Exactement. Mmh. Et enfin, la vie d'un enfant, on va dire, à l'époque de La Mafia... En Italie, c'était voilà, ça m'a vraiment bien marqué. Je pense que c'était dans les années 50. Voilà, tout à fait, exactement. Oui, c'est la mafia voilà. À l'époque, on va dire la mafia de la, j'allais dire à la grande époque de la mafia. C'est ça, c'est tout à fait ça. En tout cas, merci, merci à tous les deux pour cette participation. Merci c'est à toi pour l'invitation. Très agréable. Merci Graciela et puis bonne continuation, on attend encore beaucoup d'émissions. J'espère pouvoir vous donner satisfaction. Mais avant de continuer, je voudrais aussi dire un mot sur deux personnes qui maintenant ne sont plus sur Marmite parce qu'ils sont partis pour entreprendre des nouveaux schémas. Nouradine, Agne et Noémie Guillon. Les premiers à qui j'avais présenté les projets. Un œil sur l'actualité. À une époque où un certain nombre des dirigeants et des puissants de notre planète semblent s'éloigner de plus en plus d'un comportement éthique et démocratique pour introduire un fonctionnement qui ne pourra qu'accélérer les chaos, quelques séries tente de nous prévenir sur la gravité des répercussions de cette démarche. Amazon nous apporte la saison 2 de The Rig, série écossaise des science-fiction de David McPherson. En résumé, l'action se passe sur la plateforme pétrolière Kinloch Bravo en mer du Nord. L'équipage est empêché de revenir sur le continent par un brouillard aussi soudain que mystérieux. Sur un fond de science-fiction et de mystères, la série a un côté écologique. Elle nous fait en effet réfléchir à ce qui pourrait advenir lorsque l'on abuse de la nature. La série américaine Severance aux dissociations lancée sur la plateforme Apple TV, créée par Dan Erickson, nous propose également une nouvelle saison. Cette série nous fait vraiment froid dans le dos, car elle suit des employés de bureau qui ont subi une opération visant à séparer leurs souvenirs professionnels des souvenirs personnels. Il s'agit donc de voir jusqu'où peut aller une certaine conception de la science dans l'altération de la condition humaine. Pour finir sur une note un peu plus enthousiaste, les programmes 2025 sont prometteurs et les amatrices et amateurs des séries seront satisfaits car ils proposent des séries qui répondent à toutes les prédilections. Je continuerai pour ma part à vous en parler dans les prochaines émissions. Cher public, je tiens aujourd'hui à vous dire un grand merci pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à nous écrire à Marmite FM et à Art Série Asso en un seul mot et série avec un S @gmail.com pour partager vos commentaires sur vos séries favorites et sur l'émission. En 2025, je continuerai avec joie à vous parler des séries à la façon La Série Express. Marmite FM, prenez le micro, c'est votre radio. Salut tout le monde, c'est Yusra. Retrouvez notre émission Trappist News, l'émission des jeunes de Trappe, demain à 16h30 sur Marmite FM 81.4. Au revoir. The people, them been locking reggae beat. This and no trapping, all who feel like them are trapping, really sleeping and them napping while me flying round the world. Think man a genie like Aladdin and for water down the message just be streaming. I'm not having people in a foreign, say them not get no good music. So me go on in at the booth and then record like man a cubit. Hit the target when me shoot it. It no hard for execute this lyrics. God, me don't tell you for watch me prove it. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Wave the banner from you, know your soul clean. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Roots reggae music up in your bloodstream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Yes, enough, you know where we mean. Hear me now. Three colors run the four corners of the earth, the five oceans, seven seas, seven wonders of the world. Jah bust the seven seals and sound the trumpets. Have you heard of 1892, the 7th month, the 23rd? Unto us a son was given, unto us a child was birthed. The King of Kings, the Lord of Lords, I listen, I see, I the first. Some of them are weird, the colors, and them now do them research. Don't sing along just like we rehearsed. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Wave the banner from you, know your soul clean. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Roots reggae music up in your bloodstream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Yes, enough, you know what me mean. Lock off Babylon, them heartbeat. When the Rasta start speed, enough of them a blaspheme and a make a dark scene. Until we walk in with the red, gold, and green. And every man turning a king, every woman turn queen. The red of it is shedding up, the blood will set you free. The gold stand for justice and equality. The green is for abundance and fertility. And the lion stand for sovereignty. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Wave the banner from you, know your soul clean. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Roots reggae music up in your bloodstream. team. Red, gold and green. Red, gold and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold and green. Red, gold and green. Yes or nothing, know what we mean. Red, gold and green. Red, gold and green. We have the banner from you, know your soul clean. Red, gold and green. Red, gold and green. Roots reggae music up in your bloodstream. Red, gold and green. Red, gold and green. Every corner, every lane, every scheme. Red, gold and green. Red, gold and green. Yes or nothing, know what we mean. Il est 20h, c'est l'heure de l'anti-sèche sur Marmite FM. C'est la musique du peuple. Ça rassemble les gens. Est-ce qu'on a un micro autour de la table? Et voilà, le mien. Et ben voilà, ça nous rassemble la musique, ça nous rassemble la radio ce soir. On est tous ensemble. Il est 20h, vous êtes dans l'Anti-Sèche, l'émission que personne ne sèche, évidemment, à part la technique ce soir, les micros ont séché cette émission. Donc, dans cette citation du film Bob Marley, on disait que la musique, ça rassemble les gens. Ce soir, on ne va pas parler de reggae, enfin, presque un dérivé du reggae. On va parler de dub avec notre invitée. Notre invitée, elle s'appelle Audrey et elle vient de l'association Metasos pour nous parler de ce festival qu'on connaît très bien ici. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est le Dubsphere. Comment ça va, Audrey? Mais ça va super, merci beaucoup de m'avoir invité. Bah écoute, c'était un plaisir de te recevoir, ta première dans les studios de Marmite. Ma première tout court à la radio. Première tout court à la radio, et pour la petite anecdote, tu n'habites pas très très loin des studios, et tu as découvert qu'il y avait un studio là, à côté de chez toi. Tout à fait. Voilà. Avec votre invitation. Eh bien écoute, il fallait quand même 281 émissions pour que tu découvres notre émission. Non, bien sûr l'émission tu la connaissais puisque tu fais partie de Metasos depuis déjà tout pas mal fait. De temps. Voilà, et donc là, un petit appel à faire la promo du Dubsphere. Ce soir, pour en faire la promo, il y a d'autres personnes autour de cette table, à commencer par... celui ou celle qui... Ah non, ils n'ont pas de micro, bah pardon. Ah, désolé. Il va falloir parler fort, les amis. Il y a Valou, comment ça va, Valou? Ça va, Julien? Ouais, ça va. On va voir ça. On arrive, on répare le son et on arrive. En tout cas, Audrey, rassure-toi, ton micro, il marche bien. Ouais. Comme quoi, pour faire de la pub, on est toujours là. Elle est là aussi, c'est Marie. Comment ça va, Marie? Ça va bien. Ça va toujours. Ok, très bien. C'est un carnage. On n'a jamais fait ça. Hein. On va dire en 9 saisons, on n'a jamais fait ça. On me fait signe à la réalisation. Je me suis pris les pieds comme là, on a vu. Ouais. Ça c'est... Et on est de retour sur Marmite FM, les amis. Ouais, désolé, on a récupéré un peu l'antenne. On arrive. J'espère que... Mais on vous a pas trop manqué en 3 minutes. En tout cas, c'est les aléas du direct, les amis. On était en train de se présenter, de faire ce tour de table. Et dans ce tour de table, eh bien, on a dit qu'il y avait Marie. Marie, tu as retrouvé ton micro? Oui, j'ai retrouvé mon micro. Et c'est, voilà, est-ce qu'on m'entend bien? Je pense que oui. Ouais. C'est bon. On t'entend nickel. Non, bah, on t'entend nickel. Il est parfait. Là aussi. C'est notre adepte des micro-trottoirs. Mais ce soir, il vient en guest. On lui a autorisé, comme il y avait de la pluie, à pas faire de micro-trottoir. Oui. C'est Valou. Alors, la pluie, faut qu'on en reparle parce que ça me contraint. Ça fait des frisottis. Ah non, non, mais non. Pour enregistrer dans la rue, quoi. Parce qu'évidemment, après, je me suis dit quand même, au pire, j'ai le parapluie joli prod. Ah oui, dit, ça peut le faire. C'est vrai, t'aurais pu. Mais bon, un peu galère avec le bruit de l'eau, tout ça, ça aurait fait un peu compliqué. Mais merci de m'accueillir quand même, ça fait plaisir. Elle est là aussi ce soir, je le disais tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu ou pas, c'est une voisine ou bien une voisine, voilà, quand on recommence la blague. Elle vient de pas très loin, de Vieille Église exactement, puisqu'elle a son émission sur une autre antenne qui s'appelle RVE, on en reparlera c'est tout ça. À l'heure. Elle s'appelle Émilie. Bonsoir. Comment ça va, Émilie? Ça va super, toujours. Ça va super, toujours. Bah, écoutez, très bien les amis, ce soir une émission spéciale Dubsphere avec avec nos amis de Metasos. Ça fait beaucoup d'amis. Oh là là. Attention, il est à la réalisation de l'émission. Il se bat avec la table de mixage depuis tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a eu le temps entre-temps d'allumer son micro. C'est le beau gosse, celui qui m'accompagne depuis toujours. Il a une barbe et des cheveux. C'est Thomas. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va et toi, mon Thomas ? Non, je transpire. Ouais, je vois que tu transpires. Je sais qu'en plus de ça, tu n'as pas beaucoup dormi. Donc, on te laisse te réveiller gentiment avec cette panne technique. Non, mais je suis prêt. Et regarde bien, ce qui va se passer. Ah, tu vas nous remettre un peu de musique d'intro. Parce que là, on est dans quelque chose. On est dans un mood. Bouge pas. Je suis à toi dans 5 secondes. 3. désolé, Audrey. Hein. Mais ça va sinon, Thomas ? Et voilà. La musique est revenue. Ah, c'est beau. Voilà. Voilà, donc en tout cas, Audrey, bienvenue pour ta première à la radio. Tu as envoyé des mauvaises ondes apparemment. Dommage. C'est pour vous montrer qu'on est capable de tout. Donc le Dubsphere, c'est le 8 mars prochain à la salle de la Tour, à l'espace culturel Docoville, à Voisin le Bretonneux, dans le 78, dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, vous savez tout. Et puis, voilà la promo. Merci beaucoup d'être venu, Audrey. Allez. Mais justement, on va continuer avec toi dans quelques instants. Juste le temps de vous dire que ce soir, il y aura un énorme jeu des indices. Est-ce que tu es forte en jeu ? Je ne sais pas. D'accord. Jeu des indices, tu as intérêt d'être forte puisque c'est le jeu des invités. Seulement les invités arrivent à gagner ce jeu. Attention. Donc tu as une petite pression. Je relève le défi. On a hâte de voir ça. Marie, quelle est ta chronique de ce soir ? Alors ma chronique de ce soir, c'est une question. Et du coup, ce sera pourquoi les villes jumelées ne sont pas à côté ? C'est une bonne question. On rappelle le concept des questions de Marie, c'est les questions que tout le monde se pose mais que personne n'ose poser. Et donc là, Marie, ce soir, la pose. Mais voilà pourquoi les villes jumelées ne sont pas côte à côte. Eh bien, on va savoir tout à l'heure. Vous en connaissez un peu des villes jumelées autour de la table ? Dans 50 ans, t'en as beaucoup déjà. Ouais, t'as lesquelles par exemple ? Vas-y, non, elles sont pas jumelées. Ah bah vas-y. Jumelées avec d'autres villes, hein. Ouais. Pas entre elles, hein. Pas parce qu'elles sont dans une agglo, attention. Hein. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que toutes les villes de Saint-Quentin sont jumelées. Et donc, des exemples, Thomas ? Non, moi j'ai que à Rambouillet vu que je viens de Rambouillet. Ah, oui, voilà. J'ai vu tout à l'heure. Ah, tu veux ? Bah oui, Kirchheim-Untertech. Ok. En Angleterre, comment elle s'appelle la ville ? J'ai pas l'Angleterre. Londres. York. Ok. Ah, York ? Terra Nova, c'est au Portugal. Et en Espagne ? J'ai pas. Très bien, bon, alors on va parler de ça ce soir aussi. Mais avant, on commence avec du dub. Forcément, on se met dans l'ambiance. Et le premier groupe, c'est toi qui vas le présenter, Audrey. On va l'écouter, mais avant, on veut une petite amorce de ce groupe. Ça s'appelle Night of Mandala. Ou comme un groupe pas comme les autres. Si vous êtes passionné de science-fiction et d'univers geek, ce groupe est fait pour vous. Il mélange le brio du dub, du jazz, de l'électro, un style urbain pour créer une expérience musicale à la fois subtile et puissante. Que ce soit avec des instruments ou des machines, leur mission est claire, vous faire danser, voyager autour du monde fantastique, une fusion parfaite pour les amateurs de musique électronique et de récits imaginaires. Eh ben on va écouter ça tout de suite dans un instant, dans l'anti-sèche. On l'envoie le son. J'espère que tous les problèmes techniques sont revenus. C'est tout de suite, c'est Night of Mandala, tout de suite, dans l'anti-sèche sur Marmite FM, le 88.4. Et on revient avec Metasos. Ambiancez-vous du dub avant le 8 mars. We'll be right back. De retour dans l'anti-sèche sur Marmite FM, l'émission que personne ne sèche. Et ce soir, ils n'ont pas séché cette émission. C'est nos amis de l'Etasos, évidemment. Et on me fait signe dans l'oreillette qu'il y a des anti-sèches à placer ce soir. Ah oui. Donc, on va faire un petit tour de table et on commence par notre invité. Audrey, qu'est-ce que tu devras placer ce soir? Ah oui. Ah oui. Et c'est une page blanche qu'elle va devoir placer. C'est pas grave, Audrey. Donc, quand deux tentes se touchent, passe. Ah, j'arrive pas à lire. Hein. Ok, d'accord. Pense à faire une allée camping. À faire une allée camping. Alors, explication du celui qui a écrit l'anti-sèche a priori. Alors, c'est vrai qu'a priori, j'écris mal. Oui. A priori, je l'ai pas lu, quoi. Quand deux tentes se touchent pas, ça fait une allée. Et c'est du film camping, bien sûr. Une masterclass. Une masterclass. Très bien. Quand deux tentes se touchent pas. Tu quoi? Tu l'as retenu la phrase à placer ou pas? Quand deux tentes ne se touchent pas, ouais, ça fait une allée. Exactement. D'accord. Très bien. Tu devras placer ça dans l'émission à un moment donné. D'accord. Voilà. Et tous les auditeurs et auditrices attendent ce moment exceptionnel. Valou, qu'est-ce que tu devras placer ce soir? Alors moi, j'ai deux mots, fraise et épée. Très bien. Merci Marie, belle inspiration. Marie, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as à placer? Alors, moi, je dois placer, je te le dis quand même, je t'aime. Ah, oh, c'est beau, ça. Grand classique. Classique. C'est... En plus, la Saint-Valentin est passée il n'y a pas très longtemps. Il faut préciser que les deux mots sont à placer dans la même phrase. Évidemment, pour Valou, oui, hein, oui, pour fraise et épée. On attend cette phrase. Thomas, tu dois placer? Moi, je dois placer voyage et sonnette, qui prend deux N, Valou. Sonnette. C'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui écris. Là, c'est Marie, elle lève la main. Et Émilie, qu'est-ce qu'on place ce soir? Moi, j'ai massage et hérisson. Oh, massage hérisson, très bien. Et moi, j'aurai aussi casse-noisette. Voilà, ce soir, c'est du grand niveau d'anti-sèche. Je rappelle qu'il y a le grimoire des anti-sèches. Dans ce grimoire, vous collectionnez des petits autocollants, des petites gommettes tout au long de l'année. Alors Audrey, tu joues pour tous les invités. Et chaque animateur joue pour lui-même. Émilie, tu veux jouer pour qui? Un animateur en particulier? Une animatrice en particulier? Ou les invités? Mais non, mais je vais jouer pour Thomas. Oh, oh là là! Il se passe un truc. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Très bien. En tout cas, donc Thomas, tu auras deux chances d'avoir des gommettes ce soir. Oh, j'aime beaucoup, merci. Voilà. Bah, de rien. Allez, c'est l'heure de l'interview de notre invité. Avec un jingle, normalement. Ce soir, il n'y a rien qui va. Hein. J'ai rougi parce que Emily, elle joue pour moi. Très bien invité. Allez, c'est... On a mis un peu le nez dedans tout à l'heure, hein, ou du moins l'oreille, avec ce premier groupe qu'on a écouté. C'est le festival Dubsphere qui aura lieu le 8 mars à la salle de la Tour, organisé par Metasos. On est sur la combientième édition, Audrey? Ça fait 11 ans qu'on fait le Dubsphere. Ok. Donc c'est normalement une machine bien huilée. On arrive à avoir des artistes qui sont à de grands talents. On a un programmateur, monsieur Pierre-Michel Planchon, qui est très à l'écoute des nouveaux artistes et de la scène locale. Ouais. Donc le Dubsphere, c'est une des sonorités puissantes, une atmosphère envoûtante. On arrive à mettre tout ça dans une petite salle de voisins le bretonneux pour le plaisir de tous les gens de Sky et plus loin même, si vous voulez. C'est ça. Et donc, ça fait, tu disais, 11e édition. On connaît, il y a le Metal Sphere aussi, très bien connu. La Tour Melewatt, évidemment, encore, on prend une ambition encore plus grande sur deux jours, ce festival. Bref, les festivals, c'est une des essences de Metasos. Il y a cette mise en avant de la scène locale, évidemment, mais souvent par ce biais-là, de grosses dates, en fait. C'est ça. On essaye de promouvoir en parallèle des grosses dates. C'est-à-dire que nous, on fait aussi de l'éducation populaire. Ouais. Donc, on doit donner accès à toutes sortes de musiques, à toutes les populations, avec le niveau social, n'importe lequel. Dub, Valou, Émilie, Marie, Thomas, c'est un truc que vous écoutez ou pas? Ou vous êtes plutôt sur un autre genre musical? Thomas? Moi, pas forcément. Ouais. Mais la question que j'avais, c'est une question subsidiaire, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec le dubstep? Non, enfin oui, c'est une des parties du dub. Mais d'accord. Le dubstep... Dubstep est plus pardon, excusez-moi, oui. Plus blasé. Basé. On va sur le hip-hop. Ah, d'accord. Ah, sur le hip-hop. Ok, plus basé sur le hip-hop. D'accord, très bien. Et bah, du coup, moi, je suis plus. C'est vrai que j'écoutais ça et je pensais que c'était un. Enfin, je pensais pas que c'était pareil, mais les deux mots se ressemblaient. Du coup, je me disais peut-être que ça vient de là un peu. Mais... Bah, je pense que la racine du mot est la même, parce que c'est la même origine étymologique. Ça vient du côté, c'est un peu, en gros, voilà, c'est ça. Si tu rajoutes de l'électro hip-hop, le dub, voilà. Si tu rajoutes de l'électro reggae, voilà. Ça vient de pareil, quoi. Je vais dire. Okay. Émilie, toi, t'écoutes un peu de dub ? Pas du tout. J'ai découvert que ça existait il y a 20 minutes. Ah vraiment, ouais, dub comme ça. T'es... Ah oui, non, vraiment pas du tout. Non. Et alors, t'écoutes quoi ? Bah, écoute, pour l'instant, oui, mais j'écoute quoi ? Les trucs plutôt classiques, du classique justement, beaucoup de BO de films, de la pop, du rock, un petit peu de rap, mais pas vraiment. J'ai beaucoup de culture à me faire là-dessus. Voilà. Un film en particulier, une BO qui t'a marqué vraiment ? Waouh, il y en a énormément. non, bah c'est surtout le compositeur Hans Zimmer, mais comme beaucoup, ah. Qui donc Interstellar. Oui. Bah voilà, effectivement, les musiques d'Interstellar sont très très fortes. Ouais. C'est marrant qu'on parle de ça parce que j'écoutais ça tout à l'heure. Ah bah très drôle. Oui, vous savez que quand on poste les podcasts, à chaque fois il y a des petites choses qu'on met sur Instagram et on met un petit visuel avec une musique. Et pour notre émission, notre podcast Espace et Cinéma, j'avais choisi et je crois que c'est là que j'ai retenu Interstellar. Ouais, donc c'est marrant. Valou du dub ? Pas du tout. Pas du tout le dub. J'ai découvert l'existence. Donc vous allez pouvoir venir au concert maintenant. Bah grave. Exactement. Alors attendez, vous avez écouté qu'un son. Pour voilà, l'instant. C'est ça. Marie, toi, le dub Eh ben, j'avais découvert grâce à l'antisèche. Ah, voilà. Elle est assidue. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Et toi, Audrey, en vrai, t'écoutes du dub parce que là, ça programme du dub avec Metasos. Toi, tu vas au dub sphère. Ah bah, moi, je vais au dub sphère. Hein, moi, je serai derrière le bar même. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ok. Mais non, dans ma vie de tous les jours, j'écoute du dub tout court. Et oui, depuis toujours. Avant, je crois que j'ai connu Metasos grâce au dub. Okay. I Like Tribe aussi. Ah ouais. Tout ce genre de musique, c'était déjà ma cam. Ouais, okay. avant Metasos. Et donc là, qu'est-ce que vous attendez de cette 11e édition du dub sphère? Parce que en vrai, est-ce que c'est pas un événement qui tourne, qui roule bien, qui est complet en général, ça, parce que ça attire énormément de monde, le dub, surtout sur le territoire. Mmh. Qu'est-ce que vous en attendez de cette 11e édition? Je crois qu'on attend pas plus de la 11e que de la 10e ou de la 12e. Ça sera toujours faire profiter notre public, enfin le public du dub, d'une scène. À taille humaine dans un endroit très joli en plus, vraiment là où à Voisin ça se passe, c'est vraiment très beau, et donc ça nous permet d'avoir à taille humaine des artistes très compétents et qui peuvent nous faire passer une super soirée. On attend ça beaucoup, une super soirée et profiter de la musique avec les gens. Alors justement, tu parles de ces artistes, on a présenté un des groupes tout à l'heure, on peut rappeler le nom de ce groupe? Oui, c'est Come ou Night of Mandala. D'accord. Pourquoi comme ou? C'est le bah, titre comme, vraiment ou c'est un acronyme deux... Ah oui, d'accord. Okay. C'est l'acronyme de Knight of Mandala. Ah, Knight, c'est pas Knight. Ah. Depuis tout à l'heure, je fais l'erreur. Ouais. En fait, c'est Knight of Chevalier. Mandala. Ouais. Merci. Voilà, c'est ça. Alors, si on peut avoir une. L'antisèche premier sur l'anglais. Voilà, c'est ça, justement. Knight, K-N, chevalier se dit Knight. Oui, oui. C'est, bah, c'est moi qui me trompe alors. Hey, Julien, premier sur l'anglais. Allez, voilà, c'est ça. Mais les chevaliers, c'est ceux avec les épées, ouais, qui mangent des fraises et tout. Oh ah. Franchement, là, il fallait le placer là. Très, très beau. Magnifique. Oh, tu fais bien. C'était très facile. Une petite gommette. Du coup, j'ai pas poussé plus que ça l'harmonica. Mais se rendre les choses faciles, c'est ça qui est difficile. Oh. Tu sais ce que c'est là. Ça c'est un commentaire sur FIFA 24. Oh. Mais what? Mais un commentaire où? Dans quoi? Dans un match. Dans un match. Ah oui, dans Omar Da Fonseca. C'est Omar Da Fonseca. On l'embrasse. S'il nous écoute, il peut venir. Ils peuvent. Évidemment. Donc une gommette pour toi, Valou. Merci. Peut-être la première de l'année. Non, t'es un. Non, t'es non, non. Je crois que c'est pas vrai. Je viens quand même souvent dans cette émission. Bah, la dernière fois, c'était à Noël. Tu es un petit peu dur, Julien, quand même. J'en ai trois. Trois gommettes pour Valou. Audrey, il y a un deuxième groupe. Je te laisse le présenter. C'est Jaël et Forod. Forum. Ah Forum. Oui. Ouais, nous, en même temps, c'est des noms anglais. Eh les gars, sérieux. À un moment donné. Voilà, voilà. Là, il a fait plusieurs, futurings, mais là, nous, on va recevoir que Jaël. Ok. Donc, c'est un artiste de Montpellier. Il a sorti son album, son premier projet en 2019. Et là, il est très inspiré par Panda Dub, Big Rance. Son univers, c'est plutôt du reggae, du dub et de la drum and bass. Ok. Et là, il a un projet collaboratif avec Doob, Baku. Et si vous aimez les sonorités innovantes, vraiment différentes, vous allez aimer Jaël. C'est sûr. Ah, on va écouter ça tout à l'heure, dans quelques instants, justement, pour vous le faire découvrir. Et puis, il y a un troisième artiste sur ce plateau, parce que c'est un festival d'une soirée, en fait. C'est ça. Qui commence à quelle heure? On ne l'a pas dit. Ça commence à 20h, ouverture des portes, et concert à 20h30. Jusqu'à 1h du matin. Voilà, ça c'est, ouais. Ça, c'est Métasos. Ça, c'est la soirée. C'est, oui, les concerts jusqu'à 1h du matin, c'est... Voilà, ouais, en fait, c'est ça la particularité aussi des Dubsphere, c'est que ça fait comme un festival. Ouais. C'est vraiment cette ambiance-là qu'on va retrouver, sauf que ça se passe sur une soirée. C'est ça. Ouais. Normalement, c'était sur deux jours depuis les dernières éditions. Ouais. Et là, on a préféré réduire et avoir un choix artistique vraiment poussé. Je ne sais pas si ça existe. Thomas, c'est 20h, 1h du matin. Après, c'est after chez moi. Je vous donnerai l'adresse. Parce que Thomas vient. Émilie, t'es chez Thomas ou... Non. Elle sera occupée à coller les gommettes dans le... Sympa. Comment il a réduit ton rôle au collage de gommettes. Il va falloir avoir une conversation, toi. Vous aurez cette conversation tout à l'heure en exclu. Il y aura un temps exprès dans l'antisèche pour cette conversation. Sachez-le, je me le note tout de suite. C'est important. Donc, ce troisième groupe, Audrey, c'est Route Zombie. Voilà, Route Zombie. Là, moi, je préfère vous donner la main là-dessus. Route Zombie, ça, c'est quoi? Alors, Route Zombie, ça vient du punk et il s'appelle le style électro voodoo dub. Alors, on est sur un nouveau. Hein. Quand ils me l'ont dit, moi, j'étais... connais pas très bien, donc on va écouter. Et donc, c'est un bassiste de dub avec de la musique électronique qui se sont croisés et ça a fait Route Zombie. Route Zombie. Voilà. Et ils commencent à faire pas mal de festivals un peu partout. Ils ont fait la première partie de La Petite Fumée. Ah oui, Petite Fumée qui est passée pas mal chez vous aussi. Et oui, normalement. À La Tour aussi. Et oui. Moi, j'ai un bon souvenir de ce concert de La Petite Fumée. C'est vraiment stylé. Bah, c'est dans la même voie, on va dire ça comme ça. Bon, bah, c'était leur première partie en même temps, donc ils vont un peu dans le même sens. Et là, ils viennent de sortir... leur nouvel album Bike Driver en 2024. Et donc, c'est énergique et plein de bonne humeur. Voilà. Okay. Thomas ? Et quand vous programmez les artistes, vous avez une idée au niveau de la programmation ? Est-ce que c'est d'aller dans quelque chose qui fait de la mixité du style ou c'est essayer de trouver une direction artistique spéciale à chaque... Non, on fait plusieurs concerts de tous les styles. On essaye vraiment du hip-hop au métal. Vraiment chaque événement on essaye vraiment que ce soit un style qui se suit. Là c'est du dub. Oui, non mais moi je parle justement pour le dub parce qu'il y a des sous-genres dans le dub. Ah oui oui oui, pardon, moi j'ai demandé pour le festival. Bah là c'est pareil, si on fait une soirée dubstep ça sera une soirée dubstep. Là c'est une soirée dub, donc c'est musique électronique un peu Du coup je parlais du dubsphère. Mais il y a plusieurs, il y a le dub vaudou, tout ça. Les styles les groupes ont différents styles. Ah, du coup, je voulais savoir, quand vous programmez les groupes pour cette soirée-là, Est-ce que en gros c'est le même style par groupe ou est-ce que vous dites on fait un mixte? Ah ouais, non. C'est ça, Thomas, la question? C'est exactement ça. Merci. Voilà. On va essayer Julien d'avoir... premier sur la traduction. on essaye d'avoir un genre par concert et par plateau, festival. Quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, pour réserver, on fait comment ? Eh bien, pour réserver, vous allez sur le site metasos.fr, sur la billetterie, Metasos, M-E-T-A-2-S-O-S. Ouais. Et tous les éléments sont intégrés à ce moment-là. Il y aura de la nourriture sur place et une bonne ambiance. Ah. Et une bonne ambiance. Je compte. Est-ce qu'il y a un truc qui change, à part le format un petit peu cette année ? Est-ce qu'il y a une petite nouveauté, quelque chose à découvrir ce soir, enfin le 8 mars du coup ? Ah bah, il y aura toujours les artistes sont nouveaux, ça c'est sûr. Okay. L'ambiance restera toujours la même, toujours à la bonne humeur et le savoir-faire de Métasauce. Ouais. Et donc, oui, ça sera, on essaye d'avoir le même format et de faire découvrir de nouveaux artistes. Donc, ça sera une grande nouveauté, la musique qui sera jouée. Ok, donc si vous avez envie d'écouter du dub, il faut venir le 8 mars à Voisin. Et puis voilà, je pense que c'est plutôt pas mal, en fait. C'est bien résumé. C'est fort. Oui, tu chantais très bien, Julien. Valou, tu seras le 8 mars à Voisin pour écouter du dub. Oui. Et en plus, ce sera la journée internationale des droits de la femme. Donc, des droits des femmes. Bah là, j'ai envie de dire que deux tentes qui se touchent pas, ça fait une allée. Entre les droits de la femme. C'est fort, ça. C'est bien joué. Bravo. Et donc, ça a fait une allée. Oui, donc, journée internationale des droits des femmes. Pourquoi on ne dit pas de là? Bah, parce que. Fais-moi un petit cours, s'il te plaît. Pourquoi? Oui. Bah, parce qu'il y en a plusieurs déjà. Il n'y en a pas qu'une sur Terre. Bah, non. Non. Okay. Voilà. Puis c'est pas les droits de la femme qu'on cherche à avoir. C'est pas la femme en elle-même qu'on essaye de mettre en victimisation, mais plutôt les droits de la femme qu'on essaye de soutenir. Très bien. Toujours pas les droits des femmes. désolé. Pardon. Attention, explication Google Emily. J'allais juste dire que je pense qu'effectivement c'est ça, c'est pour ne pas partir juste sur une femme et de prendre toutes les femmes dans leur globalité et pas exclure. Je capte. Voilà. Voilà, sur cette note. Serai là, par contre, je serai là le 8 mars, voilà, de très bien. Le rendez-vous est pris au Dubsphere. Je propose qu'on écoute le deuxième morceau de ce soir, qui est un autre artiste qui sera sur le plateau du Dubsphere. On en a parlé tout à l'heure, c'est Jaël, tu disais. Eh bien, là, c'est un son où Thomas, il est avec qui, Jaël? Jaël, il est avec quelqu'un qui s'appelle 4RUN, donc le numéro 4 en anglais. 4, yes. Parce que je suis en niveau B1. Ok. Et après, RAN, voilà. Deux RAN, pardon. Très bien, d'ailleurs, j'en profite. Petite promo, si vous voulez passer votre TOEIC ou votre TOEFL, vous avez le centre de langue de l'UVSQ qui est disponible ici à 50 ans en Yvelines. Voilà, la promo est faite. On écoute tout de suite Jaël, c'est le Dubsphere. On s'ambiance un peu avant le 8 mars, les amis. Et on revient juste après. On va parler des villes jumelées. Et là, Jaël, il est jumelé à 4 Around. I'm loaded up, love. I'm loaded up, love. It's sweet, honey, birthday, but sing. Oh, got some lucky now. The whole world's spinning. Oh, I like you, then I know, but like a butterfly. Me father got not last year. De retour dans l'Antisèche, l'émission que personne ne sèche. Sur Marmite FM, le 88.4, ce soir, émission spéciale dub de Sphère. On a écouté à l'instant Jaël qui sera sur le plateau de Métassos le 8 mars prochain. Jaël, c'est validé par toi aussi, Audrey? Ah bah oui. Ouais, de ouf, c'est dans ta playlist un peu. Je le connaissais pas avant que Monsieur PM nous le fasse découvrir. Nous le fasse découvrir et maintenant oui, je l'écoute. Ça y est, maintenant ouais, il est arrivé dans la playlist. C'est très ça. Bien. Valou, tu vas toujours le 8 mars au Dubsphere après ce morceau? Bien sûr, toujours. Ah, il a pas changé de vie. On aime ça. Tu pourras me déposer parce que j'ai pas le permis. Non, moi je. Alors, pourrais malheureusement pas te déposer au Dubsphere. Bah oui, parce que on est à la soirée des talents que nous organisons. On co-organise cette soirée avec Bois d'Arcy pour la deuxième édition. C'est la grande finale, les amis. Et 8 talents sur la scène. Vous pouvez voter pour votre talent préféré, évidemment. Une grosse soirée avec Thomas, un public de combien de personnes à peu près? 400. Moi, 400. J'avais une question, c'était est-ce qu'on peut arriver plus tard du coup au Dubsphere? Mais, oui. Mais vous arrivez avant 1h du matin, les portes seront ouvertes. Et voilà, très bonne question Thomas. En tout cas, 400 personnes sur le théâtre de la Grange, ne cherchez pas à réserver. C'est déjà complet depuis je pense fin janvier. Vous pouvez venir chez nous donc. Voilà, vous pouvez aller au Dubsphere. Si vous vous ennuyez, ça sera génial aussi. Voilà, en tout cas, cette soirée des talents qui est, pour résumer, une sorte d'incroyable talent, avec des talents des Yvelines. Cette année, c'était ouvert pas uniquement aux talents de Bois d'Arcy, mais à toutes les Yvelines. Et donc, avec Jolie Prod, on accompagne la ville de Bois d'Arcy. Pour ça, on a d'ailleurs donné le résultat dans une émission de l'Antisèche où on était tous les deux avec Thomas. On a donné le résultat des auditions. C'est perdu. Voilà, donc si ces talents nous écoutent, on vous attend la semaine prochaine. Petit accompagnement avec les talents. Ça, c'est on cale le rendez-vous. Ils le savent, mais... Et la finale le 8 mars. Voilà, c'est petit instant promo. C'est fou. Tout hein. à fait. C'est fou. C'est fou. De ta question à moi, est-ce que je viens? T'as réussi à faire. Attends, on va refaire cette phrase parce que là, t'as bégayé. J'ai bégayé. T'as bégayé de ouf. On s'était dit, hors émission, je vais te faire bégayer et j'ai réussi sans le faire exprès. Du coup, c'est très fort. Recommence la phrase. Non, je disais, de ta question que tu m'as dit, oui, tu viens le 8 mars, t'as réussi à faire ta promo et je trouve ça très très fort. Tu rebondis. Mais il est très fort. Mais très donc fort. Toi, tu n'es pas invité au talent. Moi, je suis invité nulle part. Et elle est encore plus forte que moi, parce que Alas. Désolé, Valou, c'est complet. Hein. Mais tu peux donc devenir. Bah, là, non, mais peut-être que Valou sera dans le staff, mais comme il est déjà au Dubsphere, ouais, j'en conclus qu'il ne peut pas être là au staff. Dommage. C'est pas grave, il fera un micro trottoir sur le dub. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Marie. On va se poser une question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose poser. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je t'en prie, dis-le-moi. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas les villes jumelées? Et oui, pourquoi pas les villes jumelées? Parce que je suis sûre que tous autour de la table, quand vous partez en vacances, que vous êtes sur la route... vous voyez des panneaux et en dessous c'est écrit jumelé avec. Voilà. Ouais, et là tu voyages un et peu là, dans un autre pays. Tu voyages, mais nous, pour le coup, on partait en vacances et là on a vu ça. Et là, bah, forcément, j'ai les enfants qui m'ont dit mais ça veut dire quoi en fait? Ouais. Et là, bah, je sais pas. Donc, okay. Du coup, j'ai fait des recherches et du coup, bah, voilà, j'ai envie de faire ma chronique dessus. Donc voilà, donc pourquoi est-ce que certaines municipalités sont jumelées à des communes? Ça peut être en Allemagne, ça peut même être hors de l'Europe, au Japon, au Pérou. Donc pour commencer, une petite définition sur le jumelage. Ouais. Donc le jumelage, c'est l'action d'associer deux choses identiques ou complémentaires. Aujourd'hui, c'est largement rattaché par exemple aux établissements scolaires. Voilà, et donc notamment aux villes. Alors à votre avis, quand sont apparues les premières villes jumelées? Ah. Thomas. Après la Seconde Guerre mondiale. J'allais dire ça aussi, après la Seconde Guerre mondiale. Je ne veux pas laisser les gens jouer pour une fois. Oh, je me barre. Je rappelle que tout à l'heure, il y aura l'instant explication. Voilà, il y aura à peu près 2 minutes d'explication entre Thomas et Émilie sur tout ce qui vient de se passer dans l'émission. Je me suis noté, donc voilà. Eh ben, bravo, c'est tout à fait ça. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour la réconciliation des peuples. Hein. Donc, vous imaginez bien que plusieurs villes françaises vont vouloir créer des partenariats avec des villes. Ouais. De quel pays? L'Allemagne. L'Allemagne. Ouais. Avec l'Allemagne, tout à fait. Alors ensuite, je me suis demandé concrètement comment on mettait en place un jumelage. Du coup, comment ça se passait? Envoie un mail. C'est pas... Salut les gars, vous voulez vous jumeler avec nous? Très bien. Vous appelez Morpa? Bon, c'est pas chaud. Vous que en cours? Ah, c'est... Ouais, c'est peut-être mieux. Ah non, quoi, on va prendre Elan en cours. Allez. Bah écoute, t'es pas si loin que ça. Parce que du coup, bah, j'ai découvert qu'il y avait une plateforme en ligne dédiée. Qui c'est ChatGPT, il envoie des mails à ta place. Qui s'appelle Twinning. Et en fait, qui recense les villes. C'est pas du thé. C'est tout. Je vais pas y arriver. Je te le dis quand même. Je t'aime, Julien. Oh, oh. Bravo, elle est belle. C'est beau. Donc c'est une plateforme. Il y a une liste du coup de villes qui souhaitent faire du jumelage. Ouais. Et ensuite, bah c'est bah après c'est plein de choses administratives. Hein. Donc ça peut être voilà la collectivité en elle-même qui va faire les démarches, ou alors qui peut déléguer aussi à des associations. Voilà, qui vont s'occuper de ça. Mais il n'y a pas que la France et l'Allemagne. Non, tu peux te matcher avec plein de villes un peu partout. Exactement. Quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me suis demandé du coup aujourd'hui où on en était. Et notamment, avec quel pays on a le plus de jumelage. Donc, à l'heure actuelle, en France, il y a 4290 communes françaises qui sont jumelées. À votre avis, avec quel pays en top 1? Allemagne, forcément, tu le disais tout à l'heure. Non, c'est ça, c'est l'Allemagne. Allemagne, Angleterre, ouais. Espagne, Italie. Ah, t'es pas loin, c'est Allemagne, Royaume-Uni, ensuite c'est l'Italie, et ensuite c'est l'Espagne et le Portugal. Ah, c'est parce qu'ils ont... y a eu une ville en plus pour ça. Oui, Audrey, tu nous fais des signes. Non, c'est toi. Ah, tu, je sais pas. J'imagine ça dans tous les sens. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. La bienveillance dans cette émission. Je rappelle le maître mot de cette émission. C'est la seule règle. Donc, comme je l'ai dit, dans la définition de jumelage, on associe des choses identiques ou complémentaires. Mm-hmm. Donc, je vais vous donner quelques exemples de villes jumelées qui vont avoir des intérêts communs qui peuvent être vraiment totalement différents. Donc, par exemple, on a Dardilly, qui est une commune du côté de Lyon, je vous avoue, je ne sais pas trop où c'est, qui, elle, s'est jumelée avec une ville du nord de l'Italie qui s'appelle Provaglio. Et elles sont jumelées par rapport à leur taille et parce qu'elles sont installées près de viticulteurs. Voilà. D'accord. Ensuite, vous avez Limoges, par exemple, qui elle est jumelée avec Seto, une ville japonaise connue pour ses céramiques, et Limoges qui, elle, est connue pour sa porcelaine. Voilà. Et... En petit dernier, vous avez Cognac, ça j'ai trouvé ça assez rigolo du coup, qui s'est jumelé avec Bozou, parce que c'est le berceau de l'alcool blanc en Chine. Voilà, oh. Donc Cognac, Bozou. Ah, pas mal, ah oui, voilà. Ouais, là ils ont été chercher une cohérence. C'est quoi. Ça, exactement. Thomas ? Mais du coup, c'est quoi l'avantage d'un jumelage? Parce que je me dis, les mecs, les maires des villes, ils font un long voyage, ils viennent, bam, sonner la sonnette de la ville, ils font... Ouais, bonjour, vous voulez pas un jumelage? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé mon dentiste, j'aimerais un... J'ai pas entendu ça. Ah, c'est pas vrai. Vous l'avez entendu? C'était voyage et sonnette dans la même phrase. C'est pas mal. C'est très fort. Désolé, on est tous perturbés par la table qui grince. Et par le bel harmonica. C'était mon beau sapin. T'as fait le début de mon beau sapin. C'est marrant parce que je voulais faire les musiques de mariage. Ah bah non, c'était pas ça du coup. Pas mal. Bravo. Je vais répondre à ta question si ça ne te gêne pas juste après. Ça me gêne un peu, mais t'auras pas le choix. Du coup, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il y a des villes qui se sont jumelées juste par rapport à leur ressemblance de nom. On a par exemple une ville en France qui est jumelée avec la Petite Pierre. Donc la ville française s'appelle la Petite Pierre. Donc en fait, ils sont jumelés avec Little Rock, capitale de l'Arkansas. Ouais. Et dans le Bas-Rhin, par exemple, on a Saint-Cloud qui, lui, s'est jumelé avec Saint-Cloud dans le Minnesota. Il y a juste une lettre qui change. Et du coup, ils se sont jumelés par rapport à ça. C'est pas mal. Voilà, il y a aussi des belles histoires un peu plus historiques. Là, je pense que tout le monde va connaître du coup, Morpa, Pontchartrain. Ouais. Donc, eux, ils sont jumelés avec une ville de Louisiane, en fait. Parce que. Avec la même ville, les deux ? Les deux, ouais. Okay. Parce qu'en fait, les comtes de Pontchartrain et de Morpa avaient mandaté les expéditions qui ont donné lieu à la découverte de cet état au sud des États-Unis, la Louisiane. Donc du coup, ils se sont jumelés avec... ça fait longtemps, du coup, qu'ils sont jumelés avec la Louisiane, du coup, voilà. Mais c'était avant la Seconde Guerre mondiale, alors. C'était... Ah non, parce que les jumelages ont vraiment démarré après la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont utilisé ce fait historique, cet hommage, pour se jumeler avec la Louisiane, du coup. Et voilà. Et à savoir que Paris, elle, n'a prêté serment de se jumeler qu'avec Rome. Et oui, et d'ailleurs, voilà. Ça a des avantages. Est-ce que tu le sais? Non. j'ai le slogan que j'ai. Bon, voilà. Seul Paris est digne de Rome. Seul Rome est digne de Paris. C'est leur slogan. D'accord. Voilà. Ça, c'est très classe. C'est ça. Et il y a un avantage, c'est qu'il y a de la gratuité pour les Romains à Paris. Par exemple, tu peux aller visiter les catacombes à Paris si tu es Romain, gratos. Ah, et si tu vas à Paris, si tu es Parisien, je crois que tu vas à Rome, il y a des trucs gratuits aussi. Alors là, j'ai que l'exemple des catacombes, mais il y a d'autres choses comme ça. Il me semble que Claire l'avait dit dans un des Saviez-vous. Ok, ok, ok. Bah, ça commence à répondre, tu vois, Thomas, un petit peu à ta question. J'aime bien, ça se rapproche. L'avantage du jumelage. Ça se rapproche, exactement. Donc, en tout cas, j'ai l'info. Ça, c'est depuis 1988, Guyancourt est jumelé avec une ville d'Écosse qui s'appelle Linlithgow. Ok. Tout simplement. Et avec une deuxième ville depuis 1989 qui s'appelle Pegnitz en Allemagne. Voilà quelques petites villes jumelées avec nos belles villes d'ici du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci pour l'actu. Et donc, pourquoi les villes jumelées ne sont pas à côté? Donc, c'est pour répondre à ta question, Thomas. C'est tout simplement parce que ça a un but de pratiquer des échanges socio-culturels, de favoriser le rapprochement. Ça permet de partager des valeurs. Il y a des échanges, en effet, entre les étudiants, notamment, quand même. Voilà. Ça permet vraiment de pouvoir échanger au niveau de la culture, du patrimoine, le tourisme aussi, tu l'as dit par exemple, entre les Parisiens et les Romains. Voilà, tout simplement. Donc les villes jumelées, bah non, elles sont pas côte à côte et voilà. Alors, est-ce que vos villes à vous sont jumelées? Audrey, toi, t'habites à Trappes. Oui. Est-ce que c'est jumelé Trappes? Tu sais ou tu le sais pas? Pas obligé de le savoir. Alors, je le sais pas, mais je crois que j'ai vu un panneau jumelé et j'ai pas regardé le nom des... Faudra mettre des jumelles. pas mal. T'es fort. Quelle classe. Quel homme. Valou, est-ce que ta ville est jumelée? Bah, c'est Rambouillet, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et j'ai oublié déjà, mais Jules York. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure qu'il y avait des jumelés. Marie, toi, tu es dans un plus petit village, un peu plus loin d'ici. Oui. Est-ce que ce village est jumelé ou pas du tout? Non. Et s'il devait être jumelé avec une grande ville, par exemple, tu aimerais que ça soit quelle ville? Moi, j'irais bien du côté de l'Irlande, je crois. Côté de l'Irlande? Ouais, comme ça, pas trop loin géographiquement. Voilà, et puis sinon, ça nous permettait de des pouvoir... Des paysans quand même, ouais. Oui, parce que vous savoir, Marie habite pas très loin d'Irlande. Elle organise des vacances, c'est ça, Thomas? Ouais, c'est ça, exactement. Bah, en même temps, c'est la question. Ah, c'est jumelage, un échange... Est-ce qu'elle est mairesse de son village? Je sais pas, bah écoute, tu m'en diras des nouvelles. Et si on faisait un jumelage avec l'antisèche? Avec quoi on pourrait jumeler l'antisèche? Je veux dire, une autre émission de radio, mais dans soit un pays... Soit une autre émission de radio dans un autre pays, par exemple. Alors ça, c'est compliqué d'aller connaître ça. Mais ou sinon, un autre pays, ou sinon, carrément autre chose. Un autre concept, je sais pas. Ah, oula. Non, ah, Thomas, t'as pas d'idée. Avec un talk show? Ouais, un talk show à l'américaine, là. Jimmy Fallon. Ah, l'American. Jimmy Fallon. Ouais, on va lui envoyer un message sur Insta. J'espère qu'il nous répondra. ça sera pas toi qui l'écrira, Julien, par contre. Il faut tenter, un jumelage avec une émission genre Top Gear. J'adore ces émissions. Top quoi? Top Gear. C'est quoi sur ça? Sur les voitures. Sur les voitures. Ok. Mais c'est pas audiovisuel, c'est que visuel. Ah oui, non, d'accord. Ouais. Mais pourquoi pas? Non, mais j'avais dit, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu fais l'émission dans les voitures. Très bien, un jumelage, ok. Valou, une idée d'un jumelage de l'antisèche? Moi, j'aimerais qu'on soit jumelé aux allocutions présidentielles pour qu'on retransmette sur FM. Je n'ai pas d'extrait censure, mais tu es censuré pour cette vanne. Non, c'est vrai. Non, mais moi, j'ai pas envie qu'on soit associé à ce genre de choses. On les laisse là où ils sont. En tout cas, on pourrait être associé, jumelé avec peut-être des établissements scolaires. Ouais. Ah oui, toi t'es plus. C'est pas ça du jumelage. Pas plus sérieux. Et pourquoi pas? Un partenariat. T'es censé faire un partenariat avec des choses qui sont dans ton domaine. Bah l'antisèche. On en a tenté du tout. Allez, on va écouter une musique puis on va revenir en forme hein, pour vous. Allez, c'est la prochaine musique du Dubsphere, attention. Parce que là, je vous sens un peu en mode zombie, donc on va écouter Route Zombie tout de suite. On va se rambiancer et après on va jouer au jeu des indices, les amis. C'est tout de suite et le Dubsphere, je rappelle, c'est le 8 mars à la salle de la Tour et c'est organisé par Metasos. Tout de suite, c'est Route Zombie sur Marmite FM. Thank you. De retour dans l'Antisèche sur Marmite FM. Ce soir, c'était une émission spéciale à Dubsphere avec les copains de Métastase, de Voisins de Bretonneux. Audrey, toujours là? Oui. Toujours prête pour le 8 mars? Ah, mais je suis prête. Tu seras toujours derrière le bar? Et... Ça, c'est sûr. Là, dit, est-ce qu'il faut que je réponde à ça? Ouais, bah... ou pas, tu vois. C'est ça. Émilie, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien, très content d'être là ce soir. Alors tout à l'heure, on a brièvement abordé, si je ne me trompe pas dans cette émission, le fait que tu as une autre émission de radio. Oui. Sur une autre antenne. Oui. Et oui, c'est comme ça. Ici, on parle aussi des autres radios parce que on se soutient. La radio, c'est une grande famille, oui, que vous oui. soyez sur une très grande antenne ou une petite antenne. On s'ouvre toujours les studios, on s'ouvre toujours les portes et on se donne tous des conseils. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont déjà donné des conseils ici pour l'Antisèche et qui sont... peut-être même sur des très très très très très très grandes radios. J'ai bégayé pour toi, Valou. C'est quoi cette émission? Donc du coup, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Les Voisaines, et donc on a une émission qu'on a appelée tout simplement Les Voisaines. Bien, pas mal, pas mal. Ok. C'est sur. Les Voisaines vous parlent. On a voulu faire un moment, mais bon. Ouais. Et c'est sur la radio RVE, donc 103.7 FM. Ok. Voilà. À Vieille Église, à côté de Rambouillet. Et elle parle de quoi, cette émission? Vous nous parlez, Les Voisaines, mais vous nous parlez de quoi? C'est ça, c'est des émissions où je vais trouver un thème en fonction de l'invité ou des invités ou d'un sujet là, qui me vient sur le moment. Et puis, on va parler autour de ce thème-là pendant une heure avec des coupures musicales qui sont aussi autour de ce thème-là. Et voilà, et c'est du papotage où on essaye de creuser peut-être un petit peu aussi au niveau de certains aspects intéressants de ce qu'on a à dire, pas okay. forcément tant du sujet, mais donc voilà, c'est du podcast, partage d'expérience, voilà. Quel jour? Quelle heure? Oui, pardon, c'est le samedi, du coup vous pouvez nous retrouver les samedis, donc 103.7, de 18h à 19h. Et juste après, à 21h, 22h, vous avez l'Happy Hour de ouais. Valentin et Thomas. Ouais. C'est ça. Émission ça, aussi accompagnée par Jolie Prud, l'Happy Hour. Ça, c'est quelque chose. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose. On doit le dire. Happy Hour, même, oui. Les gars, on est sur une libre antenne. Libre antenne, par exemple. Tu veux un exemple? Non, je veux pas d'exemple. Attends. Tu sais qu'à la fin de notre émission, l'alim de l'émetteur de RVE a pété. Oh! Donc, moi, c'est pas Métasso. C'est Valou. Non, c'est Valou et Thomas. Métasso, non. Alors, en tout cas, nous, on est sur la fin de cette émission et il y a toujours un petit jeu des indices. Quand il y a un invité et que Thomas est là, c'est tout de suite, c'est maintenant et ça va être très rapide. Et l'indice du soir, Thomas, est-ce que c'est casse-noisette? Non. Oh, il l'a placé. Les indices de Thomas, c'est tout de suite, c'est maintenant, ça va être très rapide, ça me rappelle ce que je dis souvent. Le jeu des indices, c'est... Pour ma blague. Le jeu des indices, c'est très simple. Je vous fais deviner. Attention, ce soir, ça se joue en un indice parce qu'il y a l'explication entre Émilie et Thomas après. Alors, ok, très bien, un indice. Je vais vous donner une chose. Ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être un animal chose... comme un hérisson et une chose comme un massage. Oh, oh ouais, par exemple. Pas mal. La gommette pour moi. C'est pour toi en plus. Hein. C'est fort. J'aime bien, j'ai deux gommettes ce soir. Donc il faut deviner cette chose ou exactement. Cet animal. Mais comment on la devine, Julien? Eh bah, ben en répondant. Vas-y. Vous me donnez un chiffre entre 1 et 20 et moi j'ai 20 indices. Donc je vous lis l'indice correspondant au chiffre que vous me demandez. Vous me faites une proposition. Si c'est ça, bravo. Si c'est pas ça, pas bravo. Eh bah, ben on passe à la personne suivante. C'est clair pour toi, Audrey? Oui. Oh, c'est super. Oh. Tu sais quoi? On va commencer par toi. Allez. Bon, donc alors. C'est très simple. On cherche du coup une chose. Je me donne un chiffre entre 1 et 20. 8. Le numéro 8. L'indice c'est je m'y connais en boxe. Je m'y connais en boxe. Des gants. C'est pas des gants. Ça aurait pu, mais c'est pas des gants. Ça aurait pu. Valou. Numéro 4. Le numéro 4, on m'oppose parfois au plomb. Qu'est-ce qu'on oppose à... Qu'est-ce qu'on oppose au plomb? Le plomb. Je sais pas. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Tu sais pas? Non. Allez, ça passe. Émilie. Le 17. Je fais du mal lorsqu'on me trempe dans le fiel. Alors là, les gars. Alors ouais, les gars. C'est facile. Alors ouais, là, facile. C'est archi facile. Fou. Je l'ai tellement que du coup. Tu passes. Hein, je passe. Tu allez. Les autres jouer. Et allez, ça passe. Le numéro 5. Vous êtes perdant si vous m'y laissez. La plume. C'est ça, c'est la plus belle. Oh, c'est gagné. Félicitations. Petite danse, Marie. Petite danse de Ronan. Et Marie, tu sais quoi? Tu gagnes le jeu. Oui. Waouh, c'était court. C'était un jeu un peu court, mais c'était le retour des indices de Thomas. Désolé Audrey, le jeu des auditeurs. Bon, c'est des invités, pardon. Écoute, voilà. Moi, c'est comme ça. Je suis triste parce que j'avais compris que c'était la plume à Valou, mais du coup, je croyais que c'était un objet constitué de plumes, pas une plume. Donc je cherchais. À un moment donné, j'ai expliqué les règles pendant 3 minutes. Oui, c'est vrai. J'ai cru que tu faisais quelque chose de plus compliqué que ça. Excuse-moi. Non, mais tu... Émilie, tu reviendras. Tu reviendras dans cette émission pour peut-être tenter de gagner ça. Merci d'être venu ce soir. Avec dans l'émission. Yeux. Merci Valou d'être venu ce soir merci aussi. Merci à toi. Audrey, merci d'avoir présenté le Dubsphere ce soir. Merci à vous, merci à on vous. On rappelle tous. La date. Le 8 mars le à 20h à Voisin le Bretonneux. Marie, merci d'être venue avec tes villes jumelées. Et avec grand plaisir, merci à vous. Thomas, merci pour la réalisation de cette émission, la galère technique. Mais c'est pas grave. On ne raccroche pas l'antenne tout de suite, je vous l'ai promis. Ne vous inquiétez pas. Explication entre Thomas et Émilie, c'est maintenant. Émilie, la parole est à vous, vous avez 20 secondes. Non, je sais même plus, il n'y a pas d'explication. Merci pour la gommette, Émilie. De rien, Thomas, il n'y a pas de problème. J'ai adoré. Ils se connaissent ? Pourquoi ça ? Mais là, on ne se connaît pas. Hein. Thomas, explication, elle a perdu ses 20 secondes. La gommette, c'est une quelle gommette, Marie, que t'as mis The. J'ai mis un flamant dans une bouée flamant rose. Ouais. Et bah, ça représente très bien Émilie, c'est super. Oh. Oh. On sait pas là. Parce que Émilie est fan. Elle est fan des Pink Floyd. Elle est fan des Pink Floyd. Allez. Fort. Eh oui, la culture, c'est dans l'émission. Elle ne l'avait même pas. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et on vous donne rendez-vous le 8 mars pour le Dubsphere à la salle de la Tour de Voisins de Bretonneux. Ciao, ciao, bisous. Ciao. Salut.